Voilà. Eh bien, cette émission va se terminer pour aujourd'hui. Dans quelques instants, théoriquement, c'est Bulle de rêve. Donc, je connais bien Alexis, pour ça, il va encore arriver suant, essoufflé au studio avec deux cassettes, je suis vieux. Deux CD pour enregistrer l'émission et pour diffuser tous les morceaux avec 15 invités derrière lui. Ça, ça va être Bulle de rêve, comme à l'accoutumée. Mais donc, on récapitule. Qu'est-ce que tu nous as offert comme texte aujourd'hui, Ariel? Alors, c'est un livre qui est écrit par Patrick Tillard, qui est un écrivain québécois. Son livre s'appelle Nabuzardan, Disharmonie poétique, au pluriel, édité chez Moult Éditions, qui est sorti en 2012. Et si vous voulez vous procurer ce livre, il y a une adresse internet, www.moultedition.com. Voilà. La première édition a été tirée en mai 2012. Si le truc est très bon comme ça, j'espère qu'il y a eu une nouvelle édition, parce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce livre. Les textes sont très, très, très forts. Voilà. Bon, je vous le confirme, effectivement. Eh ben voilà, j'ai vu aussi la barbe d'Alexis. Suant, soufflant, avec 10 invités derrière lui. C'est bien comme d'habitude, Alexis, pour Bulle de rêve sur Radio Libertaire, le seul magazine qui, sur une radio, consacre 2 heures entières au cinéma d'animation. Cependant, tout ce temps, il y a l'ami McLaren qui travaille toujours, explorant de tous les côtés. Stéréoscopie, son synthétique, pixilation. Il invente des appareils, énonce des lois sur la persistance rétinienne, répertorie en courbes mathématiques le contenu affectif des accélérations et des décélérations. La petite pièce inondée de soleil dans laquelle il travaille, c'est un laboratoire, c'est l'antre d'un ermite visionnaire et prophétique, c'est la cellule d'un moine, c'est un atelier de peintre et c'est tout un studio de cinéma. Patiemment, avec la précision d'un horloger, la détermination de la fourmi, la verve du caricaturiste, le souffle d'un poète et les ressources d'un bricoleur, il élabore chef-d'œuvre par-dessus chef-d'œuvre. Et le monde entier n'en finit pas d'applaudir, les trophées et les honneurs n'en finissent pas de dégringoler. Et McLaren n'en finit pas de fuir et de s'enfermer dans sa délivrante et apaisante solitude pour cuisiner des brouets d'étoiles, des élixirs de tendresse, pour tisser des dentelles de rêve où les fils de l'espace se croisent avec les fils du temps. Avec rien, il fait tout. À lui seul, il a produit plus de lumière que tous nos barrages hydroélectriques, il a déblayé plus de terrain que tous nos pionniers, il a tracé des routes qui vont plus loin que toutes nos routes, et les paysages qu'il a inventés sont plus grandioses que tous nos paysages. Si je disais que McLaren est le plus grand de tous les cinéastes, vous me diriez que j'exagère. Moi, je préfère me laisser dire que j'exagère, et McLaren préfère ne pas m'entendre exagérer. Il fait la sourde oreille, il ricane, il retourne à son affaire, car il a des plans diaboliques. Avec la pointe de son stylet, il va martyriser la pellicule. Il va lui faire 1000 blessures, douloureuses comme autant d'enfantements. Et tous les écrans du monde deviendront peuplés de petits êtres inattendus et explosifs. Et ce sera dans la mythologie de notre époque une histoire d'amour de plus, cruelle, drôle, merveilleuse. Bonjour, bonjour à tous. Bulle de rêve, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé autour de la table. Je suis ravi qu'on se retrouve enfin depuis au moins un bon 2 mois pour, à cause de festivals, de choses comme ça. Donc, ravi d'être là, comme le disait Nicolas juste avant, pour la seule émission consacrée au cinéma d'animation entièrement pendant 2 heures. Le générique, on le doit à Bastien Duprier, qui est un jeune étudiant. Il est encore en deuxième année de l'ESAT. Ça s'appelle Backward and Forward, qui est voilà, on vous mettra tout ça sur YouTube, sur le site évidemment. Qui est donc une composition, voilà, une impro qu'il a fait et qu'il a mis sur YouTube. Donc toute la musique que vous allez entendre aujourd'hui, il n'y en aura pas tellement finalement. J'ai proposé à Valentine, qui va arriver bientôt, de faire la programmation. Donc voilà, ça viendra d'elle. Et en second, vous avez un grand réalisateur québécois, Claude Jutras, qui nous parlait de McLaren, Norman McLaren. Voilà, alors très dithyrambique, hein, comme vous l'entendez. En effet, on n'entend parler que de McLaren en ce moment. C'est le 100e anniversaire. Il va en être question, bien évidemment, aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses. Et évidemment, le nom de McLaren viendra dans la conversation. Voilà, j'aime bien ce petit passage. Tout ce que vous allez entendre vient d'un très beau coffret de l'ONF qui est sorti par les films du Paradoxe. En France, plein d'invités autour de la table. On va commencer, parce qu'il faut que c'est normal. On va faire en fait en deux parties. La deuxième partie, ça, on va un peu interroger le cinéma d'animation aujourd'hui avec beaucoup de gens autour de la table. Marine Blin, bonjour Marine. Bonjour. Avec que des gens qu'on connaît. Donc Marine, quand je vous la présentais avant, je disais c'est une étudiante. Maintenant, c'est une jeune réalisatrice officiellement qui vient de finir un film dans la collection En sortant de l'école. Sur Prévert, d'après Prévert. Ouais, un film qui s'appelle Quartier libre et qui sera diffusé à partir du 1er mai sur France 3, dans la case Ludo. Et aussi son film de fin d'études, qu'on a pu voir notamment au Festival de Meknès, en compétition au Festival de Meknès récemment, où t'étais, voilà. Pour cette seconde partie donc, de grands questionnements, on va avoir plein de grands noms, forcément. Olivier Catrin. Bonjour Olivier. Hello, hello, c'est moi le grand nom. Les trois ours, maintenant que tu apparais devant les télés de Canal+, à prendre des trucs en doré dans la main, etc. Ça fait classe. Donc, c'est vrai. César du meilleur court-métrage avec Kiki et les Montparnasse. Bravo. Merci Alexis. On a fait une interview avec Valentine d'Amélie pour sa nouvelle série, enfin la série qui va découler, donc on l'entendra pas aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses, mais on va l'écouter rapidement. Ça change d'avoir un César ou pas du tout? Oui, certainement, peut-être plus encore pour Amélie que pour les producteurs, mais même pour les producteurs, effectivement, il y a tout d'un coup, on a plein d'honneurs, on est reçu partout, on nous offre des pots et tout. Wow. Enfin, c'est... Bon, après, je ne sais pas sur la durée ce que ça amène, mais dans un premier temps, voilà, on a droit à des ronds de jambes et c'est agréable. Nicolas Tisse, bonjour Nicolas. Bonjour. Publie de plus en plus. Et, c'est bien, est-ce que la collaboration avec Marco de Blois sur le blog 24 images va continuer? J'espère, oui. Ouais. Donc, avec quoi pour l'instant, je ne sais pas encore, mais on va réfléchir. Parce qu'on a eu droit donc, à Clermont-Ferrand et Pierre Hébert aussi. Donc, j'espère. Nicolas était déjà venu. Bah, ça va être, un collaborateur récurrent. C'est toujours évidemment passionnant. Valentine, tu peux rentrer, bien sûr. Ilan Nguyen, Ilan dont on a vu le nom un peu partout lors de la sortie du Miyazaki, dans toutes les. C'était pas des nécrologies, hein, c'était quasiment. Voilà, on finissait la carrière de Miyazaki. C'était absolument. Voilà, c'était le grand nom. Il fallait. On bétonnait un petit peu. Tu veux dire que c'était Ilan Nguyen présente Miyazaki, c'était. j'ai vu là récemment, c'est Libération ou Télérama qui dit nous avons rencontré Ilan Nguyen dans. À Roppongi, dans un café ou je sais pas quoi, enfin ils font tout un truc. Oui. Heureusement, Ilan, c'est plus que ça. Heureusement, l'histoire n'est pas terminée aussi, puisque oui, Miyazaki n'est pas encore enterré non plus. Donc on va voir. Heureusement, il a plein d'autres choses et ça va être intéressant d'ailleurs par rapport à aujourd'hui, se rendre compte qu'en effet, le cinéma et le cinéma d'animation n'est pas forcément. On n'est pas obligé, c'est parce qu'on en fait à un moment donné qu'on doit s'arrêter forcément à cette forme d'expression. Sébastien Roffa. Bonjour Sébastien, je vous connaissez aussi assez. Normalement, assez régulièrement ici, pour un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Histoire du dessin animé français entre 1936 et 1940, une politique culturelle d'État ». Pour une fois, on peut se balader avec un bouquin dans le métro et faire « vous avez vu nous aussi en animation ?» C'est pas n'importe quoi. C'est un peu un rêve, c'est pas un rêve, mais c'est un vrai plaisir de voir enfin sortir le début. J'ai passé 7 ans sur cette thèse qui fait 1300 pages, donc c'est le premier volume sur 4 qui sort, et puis j'ai reçu le prix de la chancellerie des universités de Paris pour ce travail en décembre 2013, donc pour moi c'est vraiment un rêve, et je suis vraiment ravi que ça sorte, et donc les tomes suivants sortiront en gros tous les 3-4 mois, voilà, d'ici la fin de l'année tout devrait être sorti. Wow. Bon, donc voilà. On va parler, c'est la première chose dont on va parler. Bonjour à Rémi. Bonjour, bonjour. Voilà, qui va évidemment nous faire l'agenda. Et bonjour à Valentine. Bonjour. Voilà, qui a ramené du jus de pomme et de l'eau pour aller avec les superbes muffins que nous a fait Marine. Ça, c'est juste pour les invités. Quand vous savez qu'il y a Marine qui vient, vaut mieux venir. Parce qu'il y a toujours plein de gâteaux, de choses comme ça. Donc, c'est plutôt bien. Avec elle, on va parler aussi de tout ça, de tout qu'est-ce que le cinéma d'animation. Aujourd'hui, j'ai voulu avoir à la fois des gens qui étaient plutôt des théoriciens, des historiens, des gens qui étaient des créateurs, amateurs éclairés, presque professionnels, comme Rémi, sortant juste de l'école, comme Valentine, ou étant maintenant chevronné derrière elle, voilà, une grande carrière comme Marine, et un producteur. Donc on va parler de tout ça. Peu de musique aujourd'hui, on va être vraiment là, à fond dans la discussion. Je vais commencer par un droit de réponse qui va pas être long, ne vous inquiétez pas, mais je voulais absolument le faire. Dans la préface dithyrambique justement, normalement, dithyrambique, vous allez voir pourquoi, c'est un très très bel ouvrage que fait Sébastien. Hervé Joubert-Laurencin dit ça. Donc je passe un tout petit peu. Voilà. André Martin qui programme lui-même, mais avec plus d'ironie et moins de nationalisme, dans un opuscule édité par l'historien archiviste et directeur du festival Raymond Maillet. Entre parenthèses, un directeur culturel d'envergure, nous le savons aujourd'hui, après 30 ans de vide culturel abyssal et d'absence totale de recherche historique au festival d'Annecy, suite à son départ. Cette phrase d'Hervé Joubert-Laurencin, je vais me permettre d'avoir un droit de réponse. Juste en septembre 1999, il écrivait déjà dans les cahiers du cinéma « Pour changer de millénaire, Annecy Annualisée a enfin ajouté à son organigramme, sous contrôle municipal, strict, un directeur artistique. Il était temps, au vu de la dégradation objective des expositions rétrospectives de ces 15 dernières années, qu'il ne craigne pas tant le manque d'argent. » Que la routine, l'académisme, le manque de positionnement culturel. Le directeur artistique qui aura la lourde charge de remonter cette pente a été désigné quelques jours avant l'ouverture du festival. C'était la surprise institutionnelle annuelle. Il n'est cette fois-ci ni au Savoyard ni adjoint au maire d'Annecy. Il s'agit du collectionneur et animateur de télévision spécialisé dans l'animation, notamment muette, Serge Bromberg. On lui doit l'impeccable et merveilleux Cartoon Factory d'Arte et la pédagogique et distractive Cellulo de la 5e. On est très heureux si ce choix pouvait signifier une reprise de la dimension historique. On est, en même temps, circonspect quand on pense que son devoir de réserve l'empêchera de faire acheter à l'avenir, par son propre propre festival et programme de son fonds, de son propre fonds d'archives privé. C'est dommage car cette année, les deux séances qu'il proposa, Retour de Flamme, quoique peu adaptées dans la forme du spectacle et le choix à une audience festivalière de spécialistes, étaient nettement plus belles que celles, par exemple, proposées par les archives du film. On a préféré l'ortac à Au Galop et de superbes copies de Charlie Bowers à l'atroce relookage en décembre du pauvre Pierrot d'Émile Reynaud. C'était en septembre, je devais évidemment de répondre, je laisserai Serge Bromberg de répondre par rapport à ce qui est dit dans la préface du livre, donc Histoire du dessin animé. Je devais évidemment, alors c'est très subjectif, je devais répondre pour mon oncle qui a été directeur du festival d'Annecy pendant un moment donné à cette charge d'Hervé Joubert-Laurencin. J'ai fait un petit topo dans mes pages. C'est assez troublant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Mais je me dis que si je le fais pas, on ne peut pas le faire. Donc j'ai juste fait quelques petites choses. 85, il y avait eu un panorama du cinéma soviétique, Grimaud, un hommage au cinéma chinois avec une exposition film, Segundo de Chomon, rétrospective, Jan Schwankmeyer. 87, McLaren avec plus de 44 films et un programme de 120 minutes avec essais et films, mis en place par Louis Baudet. Ren Ramat, Henri Quelang, Chuck Jones, Tex Avery, Peter Foldes, une exposition de Keishi Tanami, rétrospective Bach plus exposition, Yoji Kuri, Carl Zeman avec 13 longs, j'essaye de faire vite, 89 Julius Pinchauer, les 50 ans de l'ONF avec 51 films, hommage à Will Winton, un programme de films brésiliens des années 80, les archives cinématographiques de services audiovisuels de Ministère de l'Agriculture et de la Forêt avaient fait une rétrospective avec des films de l'ortac Au Galop, McLaren, Alexeyev, déjà des images de Saint qui n'était plus directeur, 93 hommage au cinéma d'animation français 1956-1992, l'appréhension Hayao Miyazaki au festival, un panorama du cinéma d'animation africain, un panorama sur le cinéma iranien, les pionniers américains 1900-1930, une rétro complète de Piotr Dumala, une expo Starevitch. En 95, d'ailleurs, je note, puisque j'ai repris tous mes catalogues, l'apparition d'une section film d'école. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, c'est 95. André Kranowski, rétrospective, carte blanche d'Edouard Nazarov. En 95 aussi, trois rétrospectives, une de Bokanowski, Borovzik et Nag et Gisèle Anchorge, dont vont sortir des VHS à l'époque. Quelque chose d'assez rare au niveau de ce genre de film. Dessins animés vietnamiens, panorama de films indiens, rétro Kentridge, Teiwei, hop, 95, 97, apparition du concours de projet. Ensuite, les frères Frankel. Peu de gens connaissent les frères Frankel, pionniers du cinéma égyptien. Renzo Kinoshita, avec une rétro de son œuvre. Kitruk, Ferencaco, Pierre Hébert, Poyard. De Bagdad, premier film long métrage italien. 99, Marcus Sen plus Parn, Len Lai, Tex Avery, pionnier de l'animation belge. En 99, Rétro Japon, Correjo et Pavlatova. Alors, on sent que ça fait pas mal. On peut penser que je suis un peu subjectif en effet à mon oncle. Excusez-moi, je suis un peu ému par rapport à ça parce que. Mais je trouve que quand on fait, et je comprends très bien évidemment, mon idée n'est pas de ma tribune n'est pas faite pour essayer de dire l'inverse de ce que dit Joubert Laurencin. Je trouve très intéressant et très important de critiquer. J'étais le premier à pouvoir critiquer la nomination de Serge Bromberg à un moment donné. Je trouve ça très bien que quelqu'un le fasse. Je pense que critiquer quand on écrit et quand on est, à mon avis, quelqu'un comme un théoricien, un journaliste de fond, comme l'Hervé Joubert Laurencin, quand on écrit, quand on publie, on ne faut pas se laisser aller à juste des implications personnelles, à des griefs, visiblement, qui le font plus aller vers le travail d'un éditorialiste, à mon avis, nous en plus partager, on va dire, sa bonne et mauvaise humeur, un peu comme ça, dans aucun sens. On peut reprocher des choses. Voilà, le MIFA, est-ce qu'il fallait mettre à marché l'annualisation? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait s'en passer? Mais voilà, c'est des questions. Mais pas entre deux lignes, pas avec des propos vides de sens, à mon avis, qui sont juste en plus, que je ne comprends pas, avec des vraies accusations, des vraies réflexions. Et j'invite bien sûr Hervé Joubert-Laurencin à venir ici. Il a été invité depuis, bien évidemment, pour preuve que ce n'est pas un règlement de compte. On l'avait invité sur son travail sur Miyazaki, bien après cet article qui avait été assez choquant pour une grande partie de la famille, puisque mon oncle était décédé juste 6 mois avant, donc tiré sur cercueil comme ça, c'était vraiment pas très agréable. Mais bon, je l'avais passé évidemment, on l'avait invité, et il est le bienvenu pour venir critiquer, pour venir parler. C'est un grand nom du monde de l'animation, mais cette phrase, surtout hors contexte, dans un livre où il n'y avait pas besoin forcément de cette phrase, je trouve que c'est corporatiste et politique, et on sait à quel point les hommes politiques et tous les lobbies font du mal au monde autour de nous. Donc voilà, je me permettais cette petite réponse, et évidemment il est encore une fois le bienvenu pour venir en parler ici autour de ce micro. On va, pour faire une petite pause après ça, on va écouter le morceau qui est juste après, donc toujours choisi par Valentine Kekradverk, et on revient après pour parler de tout ce qu'on a à parler. Merci. Voilà, comme d'habitude, avec Bulle de Rêve, c'était Valentine. Est-ce que tu veux désannoncer? Je ne sais plus le titre, c'est Franz Schubert. Franz Schubert de Kraftwerk. Sur l'album Transformé. pourrais le faire. Sur l'album Trans-Europe Express. Donc voilà, qu'un album de 117. Et donc, c'est grâce à Valentine qu'on entend ça. On aurait dû entendre Beethoven un peu plus tard, mais je crois que malheureusement, Beethoven ne passera pas. Ah, il fait pas le poids, peut-être. Il fait plus le poids parce qu'il fait 8 minutes. Et dans ce cas-là, ça nous enlève beaucoup de temps pour discuter. On va passer à Rémi qui va nous faire un bout d'agenda. Ouais, on va commencer avec les festivals. Alors, Ciné Chantalène, c'est déjà commencé. C'est jusqu'au 18, principalement à Saint-Quentin. En fait, il y a 150 séances et 80 à Saint-Quentin. Et j'ai pas le programme détaillé, mais il y a des expositions, des rencontres avec des équipes de films, des avant-premières et une bonne centaine de longs et courts-métrages. Ensuite, un festival où il y a peu d'animation, mais je vais en parler quand même parce que ça vaut le coup, c'est le festival Hallucination Collective. J'ai trouvé ça dans un autre agenda que le mien, c'est l'agenda de Nanarland. J'ai pas l'habitude de parler de ça, mais il y a Unicorn Blue de Alberto Vasquez, Jeu de l'inconscient de Chris Landred et The Obvious Child de Stephen Irwin. Et une rétrospective sur le New York des années 70-80. Et le New York bien dégueulasse. Mids et Artistes, c'est la troisième édition. Alors ça, c'est du 18 au 20 avril à la Cité de la BD et de l'Image d'Angoulême. J'ai juste les invités, les artistes à honneur de l'année. Il y a Renaud Armanet, Nicolas Bernard, Stéphane Chung, Flavie Darchen, Eric Yemens, Robert Vallet, etc., etc. C'est surtout des conférences, des rencontres, des workshops, ateliers, etc. Ensuite, on passe aux événements. Alors, Croquianime, les vendredis Croquianime sont passés, mais il y a encore la soirée Croque Label. Mais il le dit quand même, parce que il est... Mais non, il y en a deux. Il est obligé, c'est une obligation. Mais je vais me faire engueuler sinon. Oui, c'est ça. Il y a la soirée Croque Label quand même, le 16 avril à 20h à la Bellevilloise, c'est dans le 20e. C'est pas bien? Tu entends cette vie? Ça sera une carte blanche à Renaud Jungmann. Je crois que je t'ai un peu grillé. Non, c'est très bien, Sylvie. Bon, ça, c'est quand même un truc que tu vas apprécier. Les journées d'études, Ladislas Slarevitch. C'est les 14 et 15 avril à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Lundi, mardi, là. Oui, donc c'est tout proche. Il faut s'inscrire. Sébastien, il sera. Je vais essayer d'être moins. Et il faut s'inscrire auprès de Nicolas Petiot. Bon, son adresse est dans l'agenda de l'AFCA, donc je vous laisse lire ça, parce que de toute façon personne n'ira le lire. C'est de la pub déguisée. Bah, c'est l'agenda de l'AFCA en même temps. Et tac. Attention, il y a Olivier qui est de l'AFCA quand même. Moi je serais pas. Hein, ouais, plus pour longtemps. Ouais, ça va. Oui, il y a un petit changement. Tu vas te faire engueuler là. Quelques ateliers. Alors, l'atelier de la bonne graine, c'est très bientôt. Je ne sais pas s'il y a encore de la place. C'est les 15, 16 et 17 avril à Paris. Donc, c'est un atelier au théâtre jeune public dédié à la marionnette contemporaine, m'a-t-on dit. Kino Fabrique, bon, ça, j'en parle à chaque fois. Ça, ils feront un atelier du 21 au 25. Donc, c'est aussi à Paris, sous la direction de Louis Brissenot. Et un dernier atelier avant la coupure, de la BD à la série d'animation, j'en avais déjà parlé, c'est du 7 au 11 juillet. Et c'est proposé par le CEEA. C'est un stage de 35 heures, il faut s'inscrire auprès de Caroline Depoux. Et pareil, l'adresse est dans l'agenda. L'agenda qu'on retrouve évidemment sur le site de l'AFCA. Du site de l'AFCA, chaque mois, il y a une news par mois, c'est l'agenda. Tu vas te choper un droit de réponse, toi. J'étais élevé à ça, à l'émission droit de réponse et tout. Donc voilà, les gens pourraient venir. Écoute, t'as dit ça, je suis pas d'accord. Et ça pourrait être pas mal. Alors, hop, on m'a volé mon livre. Merci, Rémi. Alors, au-delà de ce que j'ai dit entre 1936 et 1940, est-ce qu'on peut dire, alors c'est un peu difficile pour toi Sébastien de le dire, j'ai l'impression quand même qu'on a peut-être en France, hein, je ne sais pas en France, Hélène, toi qui connais bien aussi, et Nicolas, vous serez mes juges par rapport à ça, est-ce que vous connaissez beaucoup de livres d'historiens sur le cinéma d'animation, mais vraiment d'historiens, de gens qui ont un background comme ça d'historien? Et pas de passionnés. Moi j'en connais pas, c'est pour ça que je vous demande, j'ai fait une petite truc, hein. tant que effectivement, c'est la plupart des ouvrages sur le cinéma d'animation historiquement ont été écrits par des passionnés. Je pense à ici et là, hein, vraiment des travaux d'historiographie, académique. Ça commence à sortir, mais je pense un peu partout, on sort à peine d'une forme d'histoire non écrite très largement, hein, et ça dans la plupart des pays producteurs. Ah, Olivier, toi aussi, toi, ça dit rien. Hein, Il y a longtemps. Ouais, effectivement, il me semble, alors je n'ai plus tellement d'exemples précis, mais il me semble quand même que dans les premiers ouvrages, il y avait des gens qui étaient plutôt historiens. Ouais. J'ai un souvenir précis, imprécis justement, ouais. Mais je vois le livre, mais c'était pas bien c'est du tout. Mais c'est plus responsable, j'espère. Commencez pas avec. Voilà, on va sortir des noms. Elle était historienne. C'était de l'esthétique. Donc, c'est l'une, à part le sujet, on va en parler, c'est peut-être l'une des choses qui est très importante aussi avec ce livre, c'est que c'est un vrai travail d'historien. Toi, Sébastien, à la base, t'es historien. Et il y a un vrai travail, c'est-à-dire, quand on dit d'historien, c'est de vraie recherche. C'est-à-dire qu'on a plein de petites annotations en bas, il y a une bibliographie absolument énorme, t'as fait des rencontres. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un vrai, une vraie façon de travailler d'un historien. C'est une thèse d'histoire du cinéma. Moi, j'ai une autre formation d'historien. Je suis professeur d'histoire. J'ai fait des recherches en archives dans 40 fonds d'archives différents, et je voulais vraiment qu'on sorte d'une lecture anecdotique du cinéma d'animation. Ou dans mon introduction, je parle des historiens, où je reprends ce terme-là, en disant que c'est des gens qui font de l'histoire, mais de l'histoire un peu à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est des passionnés qui écrivent. Qui se croient historiens, mais il y a pas de notes de bas de page, il y a pas de référence, et puis souvent c'est des amis qui écrivent sur d'autres amis, donc c'est une histoire souvent partielle, et voilà, je voulais sortir de là parce que moi j'ai pas de parti pris, je connaissais personne, et voilà, je voulais vraiment avoir un point de vue d'historien. Et d'aller aux archives économiques, à la BIFI, d'aller aux archives du ministère des Finances, bref, faire tout un tas, surtout le tome 2 qui sortira, c'est vraiment sur l'histoire économique. Lors de la soutenance, on m'a dit que c'était l'une des meilleures depuis longtemps, histoire économique du cinéma qu'on écrit. Donc je suis vraiment ravi de ça. Et voilà, donc vraiment, je voulais sortir de cette lecture anecdotique, qui était plutôt l'éclairage habituel jusqu'à maintenant. Pourquoi partir de cette époque-là ? Pourquoi partir de 36 et pas un peu avant ? Tout simplement parce que 36, c'est la création des Gémeaux de Paul Grimaud, André Sarrus. C'est aussi la fin de l'Ortac au galop. Enfin, c'est aussi l'exposition universelle des arts et techniques appliquées à la vie moderne, où Alexeïev commence aussi à présenter La Belle au bois dormant. Donc c'est la fin d'une époque, c'est le début d'une nouvelle génération aussi. Donc pour moi, c'était, et puis le Front populaire évidemment, où il y a toute une rupture. Ça me semblait bien, les Gémeaux, le début de leur travail, ça me paraissait intéressant de commencer par là. Est-ce que l'hégémonie du cinéma américain est tellement fort que la première partie qui parle avant tout de l'animation américaine et reçue en France. Encore une fois, quand je vous dis que c'est important, c'est qu'on a des tableaux, on sait exactement le nombre de films par distributeur, par studio qui sont sortis dans les salles. Enfin, voilà. Ça, c'est totalement inédit. C'est-à-dire, j'ai vraiment trouvé ça en épluchant des. En gros, je sais pas, peut-être 30 000 pages pour arriver à trouver des informations. Donc c'est vraiment un travail de fourmi, mais il y a que comme ça qu'on arrivait à trouver, parce que sinon les gens disent oui, mais alors on trouve, c'est pas écrit. Il faut aller aux archives, il faut chercher, c'est pas forcément référencé. Donc c'est des heures et des heures, et c'est pour ça que j'ai passé 7 ans dessus. Mais finalement ça en vaut le coup. Sur le moment j'en avais un peu assez, mais maintenant que c'est terminé, je suis content, et j'espère que voilà, ça va continuer après, que qu'il y ait d'autres éclairages qui soient pas historiques mais plutôt peut-être plus esthétique. Alors il y a le tome 3 qui sera sur l'esthétique et la réception du dessin animé français sous l'occupation, mais je pense qu'on peut tout à fait dire autre chose encore sur cette période-là. Ce qui est passionnant évidemment, c'est que c'est évidemment le genre de livre qu'il faut avoir chez soi, qu'on lit pas, je vais pas le mentir non plus, qu'on lit pas d'une seule traite forcément, j'en ai pas lu d'une seule traite, mais dans lequel on pioche de manière assez régulière. C'est que ce soit, je l'espère en tout cas, un livre de référence où il y a pas d'erreur, et que ce soit vraiment sourcé, parce que c'était ça aussi le problème de beaucoup de livres d'histoire, c'est qu'il y avait pas de source, il y avait pas de référence. Et Raymond Maillet a parfois écrit des bêtises, et tout le monde se réfère à Raymond Maillet qui a écrit beaucoup de bêtises. Et du coup, quand on revient aux archives originales qui sont au ministère de l'Information, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'était repris 30 ans. Si c'est Raymond Maillet qui l'a dit, c'est forcément que c'est vrai. Eh ben non. Ouais, il a une 60, sans te cantonner évidemment à l'animation japonaise, mais je sais, même dans le cartoons de Bandai ou des choses comme ça, c'est vrai que c'était difficile d'avoir des. Ça, c'est une autre catégorie. Des choses à l'époque, donc oui. Pour des ouvrages qui ambitionnent de traiter de l'animation au niveau mondial, évidemment, il va de soi que. C'est pas un objet qu'on traite comme ça. Benazi, son ouvrage est remarquable. Il fait référence aujourd'hui encore, mais voilà, pour un certain nombre de productions nationales, il est basé sur un rapport second ou tiers, quoi. Il est basé sur des sources de deuxième ou troisième main, et on peut pas lui reprocher ça. Personne ne peut. C'est titanesque comme approche. Et donc voilà, c'est sûr que il y a des parties sur lesquelles il est vraiment en prise. On voit bien qu'il maîtrise le sujet par lui-même. Il a trouvé les sources, etc. Et puis d'autres parties pour lesquelles, voilà, c'est le rapport est plus distant. Mais ça, c'est. D'ailleurs, j'en profite. Je sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent, mais Cartoon Brew a lancé, parce que moi je ne savais pas récemment, une petite annonce par rapport au nouveau, justement, à la nouvelle version de Cartoon de Bandazi, avec là entouré de multiples collaborateurs, dont toi, je crois, hein, en tout cas un peu aidé, mais en tout cas bon, de multiples collaborateurs surtout. Il n'y a pas d'éditeur pour l'instant. Ça fait partie, à mon avis, des trois livres. Les Américains continuent, c'est très bien, à sortir les écrits de Miyazaki, mais évidemment il y a Nordstein, Takahata et notamment Bandazi qui mériterait évidemment d'être traduit, et il serait intéressant quand même que quelques éditeurs s'intéressent à des livres aussi importants pour le cinéma d'animation. C'était une petite parenthèse, mais ça serait bien que ça soit relayé et qu'on en parle un peu plus de cette impossibilité pour l'instant de cartoons de sortir en France et en anglais. Qu'est-ce qu'on découvre quand on regarde ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont surprenantes, parce que à l'époque en plus les courts-métrages sont encore obligatoires? C'est-à-dire que les studios américains vendent leurs films, leurs longs métrages, avec le court métrage, et les salles sont obligées de les passer, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le block booking. C'est-à-dire que les studios américains obligent les distributeurs à diffuser le long métrage avec le court métrage maison et le cartoon maison. Donc, il y a pas de place pour le dessin animé français. Et donc, en fait, ce premier tome, en fait, une politique culturelle d'État, la réponse est non. C'est-à-dire que c'est vraiment Vichy, en 1940, qui va mettre en place une vraie politique culturelle, pour le coup, parce qu'il n'y aura plus de concurrence américaine, vu que les Allemands et le gouvernement de Vichy vont interdire le cinéma américain. Donc ça va être une période de floraison du dessin animé, ce qu'on appelle un art indigène. Du cinéma français, cinéma en général. Français, hein, parce en général, tout à fait. Oui. Ça s'inscrit en fait dans cette politique générale de promotion du long-métrage, du court-métrage et du dessin animé. Donc c'est ce que j'ai en préface. En fait, on s'était intéressé au long-métrage, aux documentaires, aux actualités. Et il y avait un petit oublié encore. Et voilà. Surtout qu'on connaît vraiment peu de films de cette époque-là. Il y a peu de films qui sont montrés de dessin animé. De la Seconde Guerre mondiale, ouais. On en connaît des États-Unis, pas mal de studios. On connaît maintenant des films japonais. On connaît un petit peu de films allemands. Mais finalement, de français. En tout, il y en a eu 60 qui ont été lancés, 27 qui ont été diffusés. Et ça a été un flop, et ils sont très mauvais, en fait. Donc, en fait, c'est la saga d'un échec, en fait. Ces quatre tomes, c'est pour raconter que ça n'a pas du tout marché. Sauf que, oui, je raconte la fin. Non, mais pourtant, c'est pas, enfin, c'est évidemment passionnant pour moi, mais j'espère pour les lecteurs aussi. C'est l'histoire où vraiment, People Grimaud et André Sarrus sont pleins d'ambition, et elles sont persuadées que ça va marcher. Et d'ailleurs, sous l'occupation, Grimaud va réaliser ses plus beaux films. L'épouvantail, ça date de 43. Le petit soldat est commencé dès 44. Avant d'arriver à remanier, etc. Excuse-moi, avant d'arriver à ce passage-là, on va en parler un tout petit peu. Juste, il y a quand même, tu nous parles de choses. Par exemple, il y a des petites histoires comme le film Barbe Bleue, notamment co-réalisé par Painlevé. Et tu nous racontes un peu aussi l'histoire, le fait que le film sort pas, etc. Enfin, donc on est aussi par l'histoire des films en eux-mêmes. Ben en fait, on est dans une Enfin, ce sont des films qui sont pas diffusés. C'est-à-dire, c'est l'histoire de producteurs, de distributeurs, de réalisateurs, de passionnés qui vont passer des années à faire des films qui ne sont pas vus, et par personne. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'ils durent pas 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est un format bâtard et on ne sait pas où les diffuser. Et Vichy inventera des séances spéciales courts-métrages, avec que des courts-métrages d'animation, mais avant-guerre, Alexeïev, on ne sait pas comment diffuser ses films. Barbe Bleue, c'est la même chose. Ouais. Personne n'en veut. Du coup, c'est pas un échec forcément artistique, mais c'est presque à chaque fois un échec économique. Est-ce qu'avant 36, c'était, est-ce que l'idée, je sais pas, là, je vais voir, est-ce que les films, même si c'est cette époque-là aussi quasiment, est-ce qu'il y avait un endroit où on les passait? Est-ce que ça passait quand même en musée, en exposition, ce genre de choses? Non, ça passait pas dans les musées. Ça passait parfois dans une espèce de pré-ciné-club, mais ça passait une fois. C'est-à-dire qu'il passait des années à faire un film qui était vu une fois, et des journalistes disaient, ah, il y a 3-4 ans, on revoyait pas les films, donc, ouais. Ah oui, il y a 3-4 ans, je me souviens avoir vu La Joie de Vivre, qui avait été diffusée, mais c'est vrai que c'est des films qui sont très vite oubliés, il n'y a pas de cinémathèque, la cinémathèque c'est, française. C'est le cas aussi pour la plupart des films, de manière générale, c'est-à-dire que la projection d'un film était en soi un événement, d'un autre poids. Tout à fait, puis on les revoyait pas. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps encore que ça, où on se précipitait au ciné-club, à la cinémathèque, pour voir en effet le passage d'Eisenstein ou de films, parce qu'on savait que c'était la seule occasion de les voir finalement. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui ne connaissent pas les films présents, donc ils font parfois des erreurs, des bêtises, parce que il n'y a pas de livre d'écrit, il n'y a pas une génération précédente où chacun veut garder absolument son secret de fabrication. Du coup, en France, il n'y a pas un échange de procédés. C'est arrivé, je dis, moi, je veux pas du tout que quelqu'un vienne voir comment je fais mes films. Est-ce qu'une des caractéristiques, justement, de cette époque, c'est que c'est des auteurs isolés? Contrairement à ce qui se passe ailleurs, dans plusieurs pays où il y a quand même des groupes qui se créent, des studios. Là, il n'y a pas vraiment de studio, en fait. Même Astarevitch est complètement isolé. Il est isolé. Il y a un Lortac, c'est le seul un peu studio qui est un peu organisé, mais hyper éclite finalement assez vite. Et le studio qui va vraiment se monter, ça va vraiment être les Gémeaux. Mais avant ça, c'est vraiment effectivement même des artisans. Gaumont avec Emile Cole, mais même ça reste hyper. Non, parce que le cinéma américain est tellement omniprésent que c'est lutter contre le monopole américain. Enfin, c'est le monopole américain, c'est quasiment impossible. C'est impossible d'ailleurs. Il y a la pub, par contre, c'est possible de se lancer. Alors, ça va être le seul espace un peu libre, c'est-à-dire faire des films publicitaires sur des produits locaux. Où là, on peut pas commander aux États-Unis un petit film. Oui, voilà, ce genre de choses. C'est le seul espace de liberté des cinéastes d'animation français avant 1940. Et on se lance. Alors, encore une fois, je crois qu'on se rend pas bien compte. Alors, je le passerai après pour ceux qui n'ont pas vu. Mais c'est vraiment le gros travail qui est fait au niveau de recherche d'articles, de tableaux. Que vous soyez intéressé ou pas, je trouve ça toujours passionnant. On a plein de chiffres. Blanche-Neige rapporte au box-office, etc. Parce que tout ça on ne sait pas, en fait. Le prix des places de l'époque. Parce que ça, on n'en sait rien, en fait. Enfin, le box-office d'avant la Seconde Guerre mondiale, on ne les connaît pas parce qu'il n'y avait pas de référence. Donc, j'ai tenté, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, de reconstituer le nombre de spectateurs pour Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige, c'est le film qui rencontre le plus de succès de l'année 1938. Et pour la première fois, c'est un film américain. C'est la première fois, d'habitude, c'était toujours un film français qui arrive en tête du box-office. Et évidemment, ce succès de Blanche-Neige reste dans les esprits. On est en 38, donc sous l'occupation, 2 ans après, on se dit, pourquoi ne pas faire une industrie française du dessin animé? Et en plus, les Allemands sont particulièrement intéressés par le dessin animé, donc ça va être une lutte d'influence qui va se mettre en place pour arriver le plus tôt possible à faire des dessins animés mieux que les Américains. Leni Riefenstahl rencontrera Walt Disney. Tout à fait. C'est le seul américain quasiment qui accepte de la rencontrer. Et d'ailleurs, il va le regretter, puis on va beaucoup lui reprocher, même encore aujourd'hui, dans une émission récente, on lui reprochait encore cette rencontre. Mais cette rencontre s'explique parce qu'en 1938, Leni Riefenstahl présente Les Yeux du Stade au Festival de Venise et Walt Disney présente Blanche-Neige. Donc ils n'ont pas vu leur film et Leni Riefenstahl lui propose de lui montrer Les Yeux du Stade. Et il dit oui, et puis d'un coup, quelqu'un vient lui dire non, faut pas le montrer parce que tu vas avoir des problèmes. Et du coup, il lui dit non au dernier moment. Et après son départ, on lui dit, mais vous avez rencontré Leni Riefenstahl? Et il va dire, non, mais je savais pas qui c'était exactement. Donc, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup, beaucoup lui reprocher et qui va contribuer à la critique récurrente de Disney et ses prises de position politique. Même aujourd'hui. Qui, pour le coup, n'en était pas une. Ouais. Dernière partie là du tome que j'ai entre les mains, c'est en effet donc l'histoire complexe des Gémeaux où t'es venu. On a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Pagliano ici. Ilan était là donc pour son gros livre en effet sur le roi et l'oiseau. C'est un peu l'autre histoire, on va dire. C'est un peu se mettre de la place de. On connaît beaucoup le côté Paul Grimaud. C'est un peu l'idée de se mettre de la place du producteur. L'idée, c'était de rendre justice à la fois aux producteurs et à la fois aux artistes des Gémeaux. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de Paul Grimaud. Mais Paul Grimaud, sans André Saru, il est rien. Et André Saru, sans Paul Grimaud, n'est rien non plus. Ce sont les Gémeaux, comme leur nom l'indique. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment brosser leur portrait qui est totalement différent. Ils viennent de deux milieux totalement opposés. André Sarrut, une famille protestante, qui vont financer à bout de bras la production des Gémeaux. Et sans ce mécène, aucun film des Gémeaux ne serait jamais sorti. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, et ils sentaient parfois un peu l'injustice d'être oubliés, et y compris dans les livres de Pagliano, où c'est souvent Paul Grimaud, mais on oublie qu'il y avait beaucoup d'artistes aussi avec lui. Alors il en parle de temps en temps, mais c'était jusqu'à 150 artistes sur le long métrage, et on cite que 5-6 noms à chaque fois qu'ils reviennent. On cite toujours les mêmes, parce que j'ai toujours l'impression quand même d'entendre souvent cette idée de passeur. Chez Grimaud, l'idée qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient venir dans son studio et qu'il Ça c'était après, oui. C'est après, oui, c'est sûr. Non, là je parle vraiment de tout début de la création. Bon, ils sont une petite dizaine au début quand ça commence. Mais les gens qui fabriquent les films, c'est les techniciens de l'animation. Ouais. Vous savez, quand on remplit la petite case, il y a artiste puis il y a technicien. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de rendre hommage à ces techniciens, justement. Et ils avaient tellement envie d'en parler. C'était, pour moi, ça a vraiment été intéressant de les rencontrer. Non, je ne sais pas si Ilan voulait réagir. On a entendu. Si on veut sortir un petit peu des considérations strictement techniques, clairement, moi, j'ai pas lu le livre, c'est salutaire certainement d'avoir une vision pondérée d'une situation complexe. Après, sur ces questions de personnes, forcément, dès qu'on rentre sur des questions de personnes, on sait qu'il y a des gens que lorsqu'un groupe esthétique se forme autour d'une personnalité comme ça, il y a des gens qui sont recontactés, d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est un terme qui me semble un petit peu plus délicat. C'est comme si on pourra faire une histoire du studio Jean Image et trouver des gens qui, des techniciens pareil, qui seraient restés un peu frustrés de ne pas avoir été rappelés à un moment ou à un autre. Ça me semble un peu plus délicat que, enfin, on sort des constatations strictement historiques, là, je pense. Ah oui, non, mais je peux peut-être mal exprimer. En tout cas, je parlais pas de ça. Je parlais pas de gens frustrés. Je parlais de gens qui, en général, avaient participé. Tout le monde n'était pas frustré. Au contraire, c'était des gens qui avaient beaucoup envie de parler de leur travail. Oui, c'est-à-dire que ce que dit Ilan, c'est que c'est vrai qu'on se cristallise souvent sur une personnalité, qui évidemment est importante, on va dire, et en oubliant, mais ça c'est un peu partout. Parce que finalement, on parle d'Hitchcock, mais on parle rarement du chef opérateur qui était pourtant évidemment fondamental, ou Fellini, son assistant metteur en scène avec qui il a travaillé toute sa vie, et qui était évidemment, Fellini sans son équipe, ne fait plus tout à fait les mêmes films, donc c'est vrai. Moi, ce qui m'intéressait quand même, c'est d'avoir enfin peut-être, je sais pas, on pourrait demander aux producteurs si de temps en temps ça fait pas du bien, mais j'ai toujours entendu parler de Paul Grimaud à juste titre, et c'est vrai qu'André Sarrut est toujours passé un petit peu, j'en ai souvent assez peu entendu parler, et de se dire qu'après tout, en effet, le film, à un moment, devait peut-être sortir. Quand un film coûte de l'argent, il y a aussi, malheureusement, c'est le cinéma, surtout quand on fait un long métrage, et peut-être que le film devait sortir. Alors, il y a souvent des chiffres assez faramineux, dont on parle pour la Bajal Ramoneur, je peux peut-être nous en dire quelques-uns. Le film a coûté quand même très très cher à l'époque. Le but, alors j'en parle pas du tout dans ce tome 1, ce sera le tome 4. Ouais. C'est vraiment la fin de l'histoire, qui s'appelle les illusions perdues, le tome 4. parce que ça commence dès 43 en fait, c'est pour ça que je m'en suis intéressé, parce que les premières discussions avec le ministère de l'information datent de 43, et les premiers scénarios avec Prévert datent de vraiment 43 aussi. Donc le budget prévisionnel, c'est 30, on parle de 30 millions de francs, 40 millions de francs, et au final ça va coûter 500 millions de francs. Donc ça va être une explosion du budget, et dans ma tête j'avais fait un petit graphique avec les mois qui passent et le budget qui grimpe sans arrêt, et l'impossibilité, la panique qu'on lit dans les courriers qui sont conservés à la Bifi, au Crédit National, où Saru est désespéré, il ne sait plus quoi faire, où il voit les coups qui s'envolent, mais c'est le cinéma en général français d'après-guerre, une très forte inflation après-guerre, et là il voit plus d'issue du tout, et soit le film s'arrête, soit il faut qu'il sorte, et il sort dans une version qui ne satisfait pas Saru non plus, mais c'est, faut sauver les meubles. Mais malheureusement, ça ne servira à rien, puisque les Gémeaux vont faire faillite. Le film qui sort en 52, 53 est un échec commercial. Il n'est pas du tout Ils espéraient le vendre aux États-Unis, mais ça ne marche pas. Il est soldé pour 50 000 $. C'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs en DVD aujourd'hui dans une version bon marché. Donc c'est vraiment un échec pour tout le monde. La société est liquidée. Paul Grimaud est licencié en 51. C'est une frustration pour tout le monde et pour toute l'équipe qui y croyait. Beaucoup avaient renoncé à une partie de leur salaire pour pouvoir financer le film. Donc c'est vraiment un désespoir pour toute une équipe et même toute une génération. Et ça marquera profondément le cinéma d'animation, cet échec français. En tout cas, marque la fin pendant plusieurs années de tout espoir de faire un jour des longs métrages d'animation français et même de l'animation tout court. Pendant de longues décennies, oui. Mais pendant longtemps, oui. Ça fait du bien quand même d'avoir quelque chose. Encore une fois, c'est pas pour... là, j'en parle en tant que producteur, mais t'as largement plus qu'une casquette, seulement une casquette de producteur. Mais voilà, d'avoir des choses qui tentent d'équilibrer, quitte à ce qui est, comme tout à l'heure, ce que j'ai lancé, des débats. Et en effet, des débats contradictoires, hein, bien sûr. Bah, les producteurs ont leur rôle. C'est vrai que les films existent aussi par eux. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de savoir comment ça se fait, comment il peut y avoir un tel gap entre le budget de départ et le budget à l'arrivée. Quelles dérives ont amené à ça? Et c'est une question qui est centrale. Ouais, et ça, c'est... On sent bien dans les courriers de départ que l'État fait tout. Pour lancer le film, c'est un peu le projet Eurotunnel, c'est les projets de départ. C'est pas grave, on sait que ça coûtera pas ce prix-là, mais allez, on fait croire que ça coûtera ça. Donc tout le monde sait. Dès le départ, le budget était pas réaliste. En fait, ils ont un film, un court-métrage coûte 1 000 000. Donc on se dit, si on en fait un long, ça coûte 30. Voilà, c'est un calcul mathématique, sauf qu'on comprend pas. On savait pas, de toute façon, que ça allait mettre 43, 53, 10 ans. Donc on savait pas évidemment que ça allait mettre autant de temps. Quand on voit le temps qui est prévu, la durée de tournage, tout ça va être complètement faussé par tout un tas de... Ils n'ont pas de studio, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas d'animateurs, enfin pas assez. Après, se poser la question de, une fois qu'ils ont fini de travailler, un peu comme chez Disney, tous les studios, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire une fois que les techniciens ont terminé leur tâche et on les licencie. Enfin, se posent des problèmes que les Américains ont plus ou moins réussi à résoudre, et qu'en France, on sait pas, parce que... Alors du coup, Saru va se lancer dans la production de La Comète, c'est-à-dire faire des courts-métrages publicitaires, mais ça, ce sera en désespoir de cause quand il voit que tout est perdu, en fait, et que c'est déjà trop tard. Évidemment, j'ai perdu ma question. Je pensais qu'Ilan allait rebondir. Et donc, je m'apprêtais à dire oui, Ilan. Et en fait, pas du tout. Donc, d'un seul coup, j'étais là et je disais, bon, Ilan va me laisser 30 secondes pour réagir. Et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Oui, est-ce que c'est compliqué quand on fait un livre comme ça, d'avoir autant de ressources chez l'une des deux parties? Donc, évidemment, plutôt la partie Saru. Et par contre, Grimaud, c'est Saru, il n'y a rien. Non, mais tu as la possibilité de rencontrer des gens, oui, la famille, mais alors que Grimaud, tu es obligé de... Oui, alors... Il n'y a malheureusement pas rencontre. Oui, c'était un peu dommage. C'est-à-dire que la famille Saru n'a rien conservé. C'est-à-dire les archives des Gémeaux ont disparu. Sans doute, elles ont été détruites, jetées. André Saru a dit à son neveu qu'il avait mis ça dans un lieu sûr. Mais c'était peut-être de l'humour et sans doute qu'il les a jetés. En tout cas, on sait qu'Orson Welles aussi voulait faire un documentaire sur les Gémeaux, et qu'il avait rencontré André Saru. Mais en tout cas, ça s'est jamais fait, et les archives ont sans doute disparu pour toujours, ou alors elles sont quelque part, et ce serait formidable de les retrouver. Ce serait bien, hein. Ouais, ce serait bien. C'est quelqu'un qui les retrouvera dans 100 ans, et qui... Mais chez la famille Saru, pardon, il n'y a rien. Il n'y a pas un document, il n'y a pas un cellulo, il n'y a rien. Il n'y a même pas un film. Quand j'ai rencontré Marthe Saru, elle est encore en vie, elle a 101 ans, donc elle est encore vivante. Ses deux filles sont aussi encore vivantes. Donc, mais en fait, elles connaissent très très peu le travail de leur père. Il était très très discret. Du coup, ma rencontre était un peu décevante, où je m'attendais, j'ai trouvé des archives, j'ai avoir plein d'infos, et en fait, pas du tout. C'est vraiment des archives administratives qui m'ont beaucoup aidé. Et la paperasserie énorme de l'occupation est un grand bienfait pour les historiens, parce que la paperasse allemande et la paperasse vichiste a laissé beaucoup beaucoup de traces. Donc pour les historiens, c'est évidemment une grande chose qu'on ne retrouvera pas dans les années 50, malheureusement. Et du coup, alors je les ai rencontrés, mais j'ai pu connaître un peu l'homme et prendre justement la filière protestante, comme je l'ai appelé, de financement. C'est là où j'ai découvert le financement des banques protestantes qui vont... ce que j'ai dit tout à l'heure, porter à bout de bras les Gémeaux, la Banque Verne, Schlumberger, le cinéma. En fait, les Gémeaux n'existeraient pas sans ce financement des Gémeaux, où on prête à un protestant et on sait qu'un protestant forcément rendra. Et quand il pourra pas rendre l'argent pour André Sarrut, ça va être la honte sur la famille Sarrut, qu'on ne tient pas parole et on ne rembourse pas l'argent. Et c'est vrai que c'est, tout le monde se connaît dans cette HSP, la haute société protestante, même si les Sarrut se tiennent à la marge de cette haute société protestante, on se rencontre dans des rallyes, on se marie entre protestants, etc. Donc tout le monde se connaît plus ou moins. Et je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de la famille, de la rencontre. Ah oui, et du coup, pas de la rencontre avec. Et du coup, quand j'ai parlé à la famille Grimaud, que j'avais rencontré au préalable la famille Sarrut, immédiatement les portes se sont refermées parce que j'avais rencontré la famille Sarrut. Donc j'ai trouvé ça dommage. C'est comme les histoires autour du festival d'Annecy, ça passe les générations. Voilà. Moi, sur le coup, ça m'a un peu dépassé, et puis j'ai dit, bah tant pis, c'est pas grave, je vais faire sans. Peut-être que j'aurais appris des choses, j'en sais rien. Je sais pas. Je crois que ce qui est intéressant. Je ne sais jamais si Dan veut réagir, parce qu'il se met vers le micro et je me dis, est-ce qu'il veut réagir ou pas? Non, ce qui est intéressant, en tout cas, on va le voir, alors en plus avec le livre sur la propagande animée que tu avais déjà fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, alors là, c'est sur une période, c'est l'idée de vraiment de creuser dans une période, d'essayer de comprendre cette période, de voir en effet, d'avoir un côté ou un autre, ça c'est autre chose, mais d'enfin de tenter de voilà d'avoir tous les, pas tous, mais en tout cas un nombre, on va dire, plus important d'accès, chemin. Ce que je voulais faire, c'était un peu rééquilibrer la parole, parce que effectivement il y a eu beaucoup, enfin un certain nombre de livres sur Paul Grimaud, écrits par Paul Grimaud lui-même, par Pagliano, par des amis plutôt de Grimaud. Moi, c'est pas un livre sur sa rue, la famille. C'est toute une petite partie, en tout cas. Je ne les connais pas, c'est pas des amis. L'idée, c'est de se situer à un autre étage, en fait. Voilà, d'essayer d'élever un peu le débat, même si c'est un peu prétentieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, ces productions, ces films sont aussi des objets d'histoire, et je pense que c'est important d'être en mesure d'avancer en termes d'histoire du cinéma, en termes de connaissances historiques, quelles que soient effectivement les difficultés que ça représente pour les uns et pour les autres. Il y a des choses qui resteront, donc voilà, le problème c'est de réussir effectivement à entrer dans ce rapport là, c'est le rapport qui naît de la distance et qui ne peut que gagner en importance à mon avis au fil du temps. D'où l'importance de ressortir aussi La Bergère à Meneur. Ça serait intéressant de pouvoir avoir enfin La Bergère plutôt que cette copie horrible qu'il y a aux États-Unis ou que vous trouvez sur Internet, d'avoir une belle copie, puisque on le sait, on l'a répété, le film est aussi célèbre pour ça, à quel point il a impressionné et été très important pour une grande partie, une grande génération d'animateurs japonais, de réalisateurs. Et d'ailleurs, pour tous les animateurs, pour eux, Laurent et l'Oiseau, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que pour eux, le vrai film, même si c'est pas forcément la fin et le film aboutit, ouais. Et les voix qui ont été enregistrées à l'époque, pour eux, c'est leur vrai film. Quand j'ai rencontré les techniciens, pour eux, Le Roi et l'Oiseau, bon, d'accord, c'est l'aboutissement, etc. Mais pour eux, leur film de cœur, je sais pas si on peut appeler ce terme-là, c'est La Bergère et le Ramoneur. Et c'est vrai que j'ai été très ému quand je l'ai vu en version française aux Archives françaises du film, parce que Paulette Grimaud m'a autorisé à le voir et je la remercie. Et c'est vrai que c'est très émouvant, parce que d'avoir les voix françaises, originales, de 52, c'était très très émouvant. C'est parce qu'on a la version américaine. C'est les plus grands acteurs de l'époque. C'est qui les acteurs de... Il y avait Pierre Brasseur, il y avait Anouk Aimée, bien sûr. Anouk Aimée, oui. Enfin bon, les grands noms. Reggiani. Reggiani, bien sûr. Ah ouais, bien sûr, ouais. Non, les grands noms du cinéma enregistrés par Pierre Prévert. Oui, donc il faut laisser absolument sortir ce film. Faut ressortir. C'est un vœu de Paul Grimaud, et c'est marqué aux Archives françaises du film de ne pas le ressortir. Ouais, Mishima avait dit qu'il fallait sortir aucun de ses films quand il était là. Oui, bon, et puis ils sont sortis, donc Kafka, okay. Donc faut attendre quelques années et le film sortira enfin. Juste donc pour finir, parce qu'il y a prendre un grand débat, mais juste pour finir, c'est vrai que c'est passionnant. C'est des genres d'ouvrages qu'il faut avoir dans les bibliothèques. Toutes les bibliothèques devraient avoir ce genre d'ouvrage. J'espère juste que non seulement voilà, c'est un premier d'une longue liste à la fois de toi, Sébastien, mais d'autres. On attend avec impatience celui d'Ilan et celui de Nicolas et voilà. Moi j'ai une question. Olivier, une dernière question alors. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a eu un échec de développer une industrie d'animation en France à cette époque, même s'il y a eu cette volonté, et que c'était des gens qui faisaient des films un peu dans leur coin, mais on a quand même eu le sentiment qu'il y a eu des essais d'expérimentation. On passe de La Joie de Vie, même quelqu'un comme André Marty, par exemple, a essayé des choses, pas toujours très réussi, mais il y a eu vraiment des tentatives narratives, esthétiques et tout ça. Est-ce qu'il en est resté quelque chose, à ton avis? En fait, l'idée de ma thèse, c'était mon questionnement, c'était ces 4 années d'occupation ont-elles vu l'émergence d'une école française du dessin animé? Et pour moi, oui, clairement, même si ça a été des échecs, ça a été un échec, il y a quand même, il reste quelque chose. Et André Marty a travaillé dans le studio qui a diffusé La Joie de Vivre, justement. Et le gouvernement de Vichy, pour eux, c'était ça le dessin animé français. C'était cette esthétique-là, c'était loin du cartoon. Donc pour eux, dans tous les courriers qu'on lit, leur modèle, c'est La Joie de Vivre. Et du coup, André-Edouard Marty fait un film dans l'esprit de Vichy, c'est-à-dire dans cette esthétique un peu Art Nouveau où c'est pas cartoon, et c'est cette école française du dessin animé, et c'est pour ça qu'ils aiment pas trop Paul Grimaud, en fait. C'est pour ça qu'ils lui remettent pas le prix en 43, le prix Émile Cole, parce qu'ils trouvent que Paul Grimaud c'est trop cartoon, et André-Edouard Marty c'est un peu raté, mais c'est dans l'esprit qu'ils veulent. C'est noble. Donc, voilà, c'est noble, ça fait très... Il y avait déjà cette position, oui, évidemment, bien sûr. Oui. Et puis alors, le Captain Sabor, bon, c'est vraiment une copie de Popeye, mais pour moi, il y a vraiment... En fait, tout ce que Vichy a décidé d'un point de vue économique, financier, etc., c'est resté encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le financement du cinéma date de cette époque. C'est valable pour un certain nombre d'autres aspects du cinéma. Par exemple, les prémices de l'IDEC, c'est ça aussi? Tout à fait. L'enseignement du cinéma. L'IDEC est créé en 43 par Louis-Émile Gallet. Qui finance les dessins animés. D'ailleurs, quand on s'il en est aujourd'hui, enfin voilà, de certains. Mais on le sait, de toute façon, on le sait, par ton livre, on le sait que la propagande, cette Seconde Guerre mondiale a été quand même fondamentale pour notamment la production aussi de l'animation. On le voit dans beaucoup de pays quand même. Ouais, mais en France, l'argent qui est mis par l'État. En France, c'était pas tout à fait dans l'esprit de faire des dessins animés de propagande. Ouais. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par propagande. Parce que c'est pas propagande politique, mais plutôt ce qu'on appelle propagande sociologique, c'est-à-dire montrer qu'on savait faire des dessins animés. Français et dire on en profite, on a quelques années d'autarcie, ils savent très bien que ça durera pas, et ça on le lit dans les courriers, qu'il faut en profiter le plus vite possible, et surtout en plus les Allemands font des propositions aux Gémeaux de rachat, et donc c'est une espèce de panique qui est créée, et le Crédit National va financer une partie des dessins animés. Le premier film des Gémeaux est une commande de Goebbels, le marchand de notes, c'est une commande de Goebbels. J'ai retrouvé des courriers où Alfred Greven dit paye 1 million de francs pour les Gémeaux pour financer ce film. Et ça arrive. Alfred Greven qui était le patron du cinéma français. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est le patron de la Continental, qui est une société de production qui est pas le patron du cinéma. Les journalistes disent souvent ça, mais c'est pas tout à fait le cas. Un raccourci. Ouais, enfin, disons, c'est l'homme le plus puissant du cinéma français à l'époque. On va dire ça, en fait. Il a beaucoup de passe-droits. Ce serait normalement un producteur comme un autre, mais il est allemand. Il a la plus grande société. Donc il a beaucoup de passe-droits par rapport aux autres producteurs français. Mais c'est pas lui qui donne des ordres aux autres producteurs. Mais c'est une histoire compliquée. Oui, ça mériterait une deuxième partie, bien évidemment. Ça serait intéressant de voir. Mais peut-être pour les prochains tomes. Mais merci en tout cas de m'inviter, parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler d'un livre comme ça. Donc merci beaucoup en tout cas. C'est avec plaisir, au contraire. Encore une fois, c'est vraiment un beau travail. Alors souvent on parle de choses ici, on dit regardez, c'est vrai que si vous êtes, faut vraiment être passionné, et à la fois je pense que vous êtes passionné ou d'histoire ou de chiffres, économie, d'être dans l'économie et de vous dire tiens comment ça se passe, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, alors si vous êtes passionné d'animation encore plus, mais enfin voilà, ça se lit aussi, c'est ce qui est bien. On l'a dit, hein, c'est pour ça ce que je voulais dire. Il y a plein à la fois de petites histoires, comme on dit, dans la grande histoire. Mais on sent la plupart du temps. Encore une fois, je vais être honnête, hein, je l'ai pas lu pour l'instant de la première à la dernière page. Mais ce que j'ai lu, en effet, il y a une volonté de défricher. Je voulais pas que ce soit un peu comme un roman. C'est-à-dire que ça se lise facilement, entre guillemets, et que ce soit pas de l'histoire chiante, entre guillemets, mais que ça puisse se lire, et que même si on connaît pas tout à fait, quand il y a des personnages qu'on connaît pas, j'essaie de faire des petites notes pour expliquer qui était qui, mais c'est vrai que il y a tellement peu de choses qui ont été écrites que je suis souvent obligé de faire des notes pour expliquer, alors celui-là a fait ci, il a fait ça, mais vraiment j'espère que il y aura d'autres travaux aussi qui continueront. Et puis il y a avant, il y a après. Pour moi, je me suis intéressé à vraiment 40-44. Hein. Il y a encore beaucoup oui, de choses à voir. Oui, tu reviendras pour promis. Ah non, pas moi, mais les autres. Non, mais oui, puis pour le quatrième livre, quand les quatre livres seront là, ça fera. Pour caler vos lits. Voilà, c'est ça, ça sera très impressionnant. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Tu restes là. Et Rémi va avoir la difficulté de parler après. Après la musique. Non, direct. Il n'y a pas de musique. Là. Oui, désolé pour les auditeurs qui vont appeler en disant « Mais c'est quoi cette émission, n'a pas de musique ?» Ça va être très sec aujourd'hui. Mais très sec. Prenez de l'eau, des trucs. Enfin voilà, parce que ça va être très ardu. Rémi, on t'écoute. Ça marche. Avec plein de noms que tu ne vas pas réussir à dire. Je ne vais pas dire beaucoup de noms, là. Je les dirai mal juste pour t'embêter. Dans les concours et après un projet. Alors, j'en avais déjà parlé, je crois. C'est les outils de développement du scénario, c'est jusqu'au 7 mai. Donc, c'est une formation pour les scénaristes et auteurs-réalisateurs. C'est en Bretagne, dans le Finistère. Et c'est avec deux scénaristes consultants et formateurs aguerris. Je ne sais pas qui. Ils sont aguerris. Mais c'est pas grave, ils sont aguerris. Le concours Super Clip 2014 jusqu'au 2 juin. Alors, apparemment, faut envoyer un clip. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Super Clip, ok. Parfait. Au moins, le titre a le mérite d'être clair. Bon, un truc où je voulais parler un petit peu plus longuement, c'est ce que j'avais pas pu en parler la dernière fois, comme j'étais pas là, c'est 24 mensonges par seconde. Je l'ai pas mis dans l'agenda de ce mois-ci, mais il était en celui de février. C'est un projet d'animation directe sur caméra. Ça tombe bien qu'on parle de McLaren aujourd'hui. Donc, il suffit de donner 5 euros et on reçoit 10 secondes de pellicule. Déjà impressionné, transparent, tout bleu. Moi, j'avais la bande-annonce de Street Fighter Destruction Finale. Ça va trop bien. On pouvait très bien repasser par-dessus, c'est pas grave du tout. Et il n'y a pas de date limite pour l'instant, donc on peut en profiter. Il y a déjà plus de 300 participants. Et il suffit de consulter la page Facebook. Ouais, je verrai le responsable, je pense, je vais l'avoir bientôt. Et peut-être qu'il viendra nous en parler un tout petit peu ici même, à Bulle de Rêve, ouais. Ensuite, les sorties ciné. Alors là, on est déjà à moitié du mois, donc il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Le 1er avril, on a eu Fog de Disney, c'est adapté du petit récent brouillard de Yuri Norstein. Le 1er avril. Hein. Il fallait qu'il la fasse en direct. Voilà. Et il en a eu un moment donné de doute. Il y a des gens qui vont cru. Je m'attends à tout avec Rémi. Hein. Et ben voilà. Oui, il fallait la voir, elle n'était pas si mal. L'affiche était plutôt réussie. C'était voilà, son 1er avril. Bon, je passe sur le vrai Disney, Clochette et le fait pirate. J'ai déjà fait la blague sur le viol collectif. Oui. À chaque fois, tu l'as fait en plus. Mais ils sortent le même plus tous les ans en même temps. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, tu nous fais. Bon, il y a Rio 2 qui est sorti le 9 avril. Denis Valgendis, ce n'est pas là, mais j'espère qu'il viendra, qui a répondu donc, à Valentine pour l'appel. Parce que j'espérais qu'il soit peut-être là. Donc, il sera là, qui a dit pourra dire à Alexis que pour moi, l'animation maintenant, c'est Rio 2. Voilà, je vous laisse. C'est un peu ça. Hein, je le fais de manière abolissée. C'est bien du Denis. Donc, j'espère qu'il viendra la prochaine fois nous l'expliquer. En même temps, ça sera toujours mieux que Rio 2096. J'avais envie d'en dire du mal, désolé. Le 16 avril, Capellito et ses amis, c'est Cinéma Public Film qui nous sort ça. Donc c'est pour les enfants, je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est pas mal. C'est pas mal. Le 23 avril, Kumba, ça s'était sorti au Festival d'Annecy en dernier. C'est un film sud-africain, c'est pas trop mal. Si on aime le style Disney. Je dis rien, il y avait la scénariste qui était adorable au FICAM que j'ai interrogé. Elle était. C'est super dur en fait d'être critique après. Mais bon, voilà, mais c'est un peu chiant. Enfin bon, voilà. Ok. C'est si on aime le cinéma. La 3D n'est pas terrible par contre, j'avais vu malheureusement en 3D. Toujours le 23, Les Amants électriques de Bill Clinton. Ça fait quand même un bon moment qu'on l'attend. Clinton est largement présenté il y a quelques temps à Paris. Et le 30 avril, on finit avec Michel Gondry, ce sera un documentaire animé, la conversation animée avec Noam Chomsky. Et je crois qu'il y a une avant-première en ma fac à Paris 8, mais je n'ai pas la date en tête. Bah, mais ça doit être dans les jours qui suivent. Oui, ils en font plein, ils font des rencontres, ils en font une à la FEMI, c'est la première fois qu'ils font tant de choses sur l'animation. Oui. Et Arte Court Circuit, alors je pensais qu'il y avait une rediff de l'émission d'hier, mais je ne l'ai pas trouvé dans le programme télé, mais il y a l'émission du 18 sur le festival de Dresde avec Frida et son époque de Meike Ferre. Et vous pouvez m'envoyer vos infos à sitafka@gmail.com. J'ai pensé à le dire pour une fois. Bravo. Alors, Nicolas, c'est là où je vais te demander encore de faire des trucs pas possibles. On va écouter. Il n'y a pas de musique. Donc ça va être juste quelqu'un qui va parler. On va écouter la piste 4 et on va enchaîner sur la piste 6. In many of Dating way back to Hen Harp and La Poulette Grise, you've had a succession of chickens and hens and eggs. We find them here and there. Even in the most abstract of films, they keep cropping up. Where did they come from? Well, you have to ask my psychiatrist or my subconscious, because I don't really know why that started and why it continued. But there is one thing can be said is that it a hen or a bird of some sort is a very simple thing to draw linearly, and a very handy and suitable for animation because of its simplicity. It doesn't have as many joints and parts as a human being. It is much fewer. And since part of my philosophy is that emotion should be expressed through the quality of the motion itself, it is not so important what is moving as how it moves. And I could perhaps make a film expressing exactly the same emotions using two human beings, drawings of two human beings or drawings of two animals of any type, just as cartoons do. And so I've chosen a very simple element like a hen as a means of expressing the emotion and story that I wanted. Does that sound plausible? When I was young, when I was about 19 years old and going to art school, I was dissatisfied with my drawing and my painting. I didn't get it lacked something. And I suddenly, quite suddenly, yes, realized what it was that I was lacking was motion. Peculiarly enough, it wasn't through seeing any animated films, but through seeing the Russian classic silent films by Budovkin and Eisenstein. They moved me so much. These films, it revealed to me what film could be. The first decade of this century, the animators metamorphosed shapes. Émile Cole in Gramsci Les Fantoches, for instance, made wonderful metamorphoses of one shape into another, and one shape had relationship to another, meaning a lot of the animation that the general public knows, such as Disney's animation, didn't use metamorphosis. It used a character which remained the same. Ok, c'est toujours bulle de rêve, it's a bulle de rêve, bubble of dreams, yes, it's in English and in French, and I will translate, je vais bien sûr vous traduire ce qui a été dit, toujours Nordman McLaren, c'est une émission qui suit la mode, c'est très mode de parler de Norman McLaren en ce moment, il est né le même jour qu'Olivier Catherine, donc forcément tout le monde en parle, c'était hier, bon anniversaire Olivier, voilà, c'est voilà, hein. Merci, presque le même âge que Norman McLaren, la moitié, bon, un à peu petit près. Peu moins, alors la première c'était, il y avait une question, c'est depuis Hen Hop et La Poulette Grise, vous avez une succession de poulets et œufs dans vos films, même dans vos films les plus abstraits, ils surgissent, d'où cela vous vient-il? Alors il faudrait demander à mon psychiatre ou à mon subconscient, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi et comment ça a commencé, pourquoi ça continue. Il y a une chose que je peux dire, c'est qu'une poule ou un oiseau sont des choses simples à dessiner, très linéaires et très adaptées à l'animation. C'est simple à faire, pas trop d'articulation, et en tout cas, beaucoup moins que pour des êtres humains. J'ai du mal à me relire comme d'habitude. Et un des éléments de ma philosophie, c'est que les émotions doivent être exprimées par la qualité du mouvement en lui-même. Pas ce qui bouge, le plus important n'est pas ce qui bouge, mais comment il bouge. Et je pourrais peut-être faire des films qui expriment les mêmes émotions en utilisant des dessins de deux êtres humains ou des animaux de tout type, comme dans les cartoons par exemple, mais j'ai choisi des choses simples, comme les poules, pour exprimer cela. Est-ce que cela vous semble convaincant comme réponse? Et la deuxième, et plus par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, ces deux petites interventions, donc toujours du coffret McLaren. Quand il raconte, quand j'étais jeune, à peu près 19 ans, j'étais aux Beaux-Arts, mais je n'étais pas satisfait de mes dessins, de mes peintures. Il manquait quelque chose. Et soudainement, oui, vraiment soudainement, j'ai réalisé que ce qu'il manquait était le mouvement. Et ce n'était pas en voyant de l'animation que je me suis rendu compte de ça, mais des films classiques muets, russes, Pudovkin, Eisenstein. Ces films m'ont tellement ému, en fait, ils m'ont réellement révélé ce qu'un film pouvait être. Hop. Oui, et la dernière partie. Lors de la première décade de ce siècle, les animateurs ont métamorphosé des formes. Emile Cole, par exemple, dans Drame chez les fantoches, a fait d'extraordinaires métamorphoses d'une forme à une autre et explore les relations entre les différentes formes. Alors que l'animation qu'une grande partie du public connaît aujourd'hui, comme les productions Disney par exemple, n'utilise pas cette idée de métamorphose, mais des personnages qui restent les mêmes. Première décennie, hein, parce que décade, c'est 10 jours. Oui. On peut revenir en arrière. Donc, t'as vu, c'est difficile de traduire. Hein. Première décennie. C'est un faux ami. Non, j'ai tout regardé. Et ça, je l'ai fait dans le métro tout à l'heure. Donc, revenons à ça. C'est Norman McLaren qui passe quand même. Sérieux, là, s'il vous plaît. Est-ce que vous, Marine, Valentine, Rémi après, est-ce qu'il y a cette idée de métamorphose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu en tête quand vous avez commencé l'animation, du mouvement et des métamorphoses? Est-ce que vous avez des dessins forcément? Alors là, elle me regarde toutes les deux. Vous êtes invité, hein, c'est aussi pour parler à un moment donné. Est-ce que c'est quelque chose que, Marine, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête quand tu as commencé? Est-ce que tu dessinais tout le temps sur des carnets de croquis, hein, d'un seul coup, tu t'es dit, il manque quelque chose, comme McLaren, c'est le mouvement? Ou est-ce que c'est l'animation qui est venue directement? Est-ce que c'est les métamorphoses? Qu'est-ce qui t'a fait venir vers l'animation? Toujours la grande question d'Alexis. Moi, c'est. Je pense pas. Enfin. C'était pas une envie plus de mouvement que ça, parce que c'est pas forcément finalement ce que je retrouve moi dans mes films ou ce qui me passionne vraiment de faire. Du grand mouvement ou d'avoir vraiment cette idée-là de quelque chose qui bouge de manière très fluide ou voilà. C'est plus des images et des temps. C'est plus l'idée d'avoir un temps sur une image donnée que d'avoir du mouvement forcément, je crois, qu'a primé. Et cette idée de transformation ou d'avoir une image comme ça qui mute, elle est venue plus par des expérimentations. Donc sur des périodes courtes que sur des envies de base de film, quoi. Mais bon, ça reste pour l'instant assez figuratif au final, parce que c'est vrai que je suis attachée à des formes de scénario qui me font venir des images assez précises en tête, et finalement les transformations, quand il y en a, elles sont là pour traduire d'autres sentiments. Mais ça vient vraiment en particulier par rapport à une histoire ou par rapport à un ressenti bien particulier. Donc plus le temps, toi, plus le temps de manière un peu rapide. Toi, Valentine, est-ce qu'il y avait cette réflexion sur, encore une fois, le mouvement, sur ce que tu avais, ce que tu faisais avant, et tu avais le mouvement, cette envie d'aller à l'animation? Je ne sais pas si ça venait forcément du mouvement. Moi, au tout début, je suis venue, comme tous les étudiants, quand tu rêves, c'est très utopique et tu ne sais pas encore exactement... ce que tu fais là, et en fait tu t'en rends compte qu'après de tout ça, enfin je pense. Et moi je me rends compte que c'est pas vraiment la transformation qui m'intéresse, c'est plus l'intensité de quelque chose. Enfin, je me rends compte que je dessine pas si bien que ça et que c'est grâce au mouvement que je peux une émotion, une impression, et je trouve ça plus émouvant quelque chose qui bouge qu'un dessin fixe. Enfin, moi, ça me touche plus. Donc là, on a deux visions. Il y en a un après, sur l'idée de travailler le temps, plus sur le mouvement. Je sais quand même que quand tu avais vu Koji Yamamura, notamment, qui parlait beaucoup de transformation, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué les esprits, notamment lors de la conférence. Je vous conseille, elle est en ligne sur le site du Forum des Images. Précipitez-vous pour la regarder. Oui, je sais pas. Non, mais est-ce que la transformation, c'est quelque chose? Est-ce que de rencontrer au fur et à mesure de son cursus, même là, c'était en dehors du cursus, c'est-à-dire de rencontrer justement des gens comme Koji Yamamura, enfin, lors de conférences ou des gens qui ont une autre vision? Je sais que George Schwitzgebel, qui travaille aussi beaucoup, évidemment, cette idée de transformation, souvent marque, d'un seul coup, c'est pas quelque chose que vous avez forcément en tête, et d'un seul coup, il y a l'idée de se dire, ah bah tiens, oui, c'est là aussi présent. Est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de mettre ensuite, toi, dans ton cinéma, ou pour l'instant, non, c'est quelque chose qui est là, mais. Oui, c'est bizarre, je ne m'attendais pas du tout à parler en fait. Donc j'ai... Oui, sûrement. Enfin, je pense que je vais sûrement faire... De toute façon, quand on fait de l'animation, il y a un peu de transformation dans ce qu'on peut faire. Enfin, je... Rémi Moi, j'ai surtout commencé avec de la prise de vue réelle et ouais. Je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait un truc qui me manquait, c'est que mes personnages étaient vivants, donc je ne pouvais pas les tordre dans tous les sens. Et donc, il y avait en plus la loi de la gravité qui m'embêtait. Et c'est pour ça que j'ai préféré me tourner plus ou moins à l'animation. Vers l'animation de façon complémentaire, je dirais. Ça, c'est intéressant. Est-ce que Marine et après Valentine, est-ce que cette idée justement de... Est-ce que vous êtes tourné vers l'animation de manière, encore une fois, évidente, là, en se disant, bah tiens, j'ai envie de faire ça, il n'y a que l'animation qui peut m'aider à faire ce que j'ai envie de faire au final ? Il n'y a que ce cinéma-là qui peut m'intéresser. C'est pas comme quand on parle du mouvement, évidemment, la BD peut pas le permettre, en tout cas pas de cette manière-là. Le cinéma de prise de vue réelle, c'est pas ça. Est-ce que c'était une évidence, encore une fois? Je me suis pas vraiment posé la question pourquoi l'animation ou autre chose. En fait, c'est venu à la base du dessin, et après la notion de cinéma est venue s'imbriquer. Par rapport à une première formation qui était à la base vraiment du dessin et de l'expression plastique, entre guillemets. Après, moi, j'ai pas du tout cette question de me dire forcément je vais faire cette chose en animation, ou voilà. Je trouve que c'est un peu trop simpliste de mettre des choses dans des cases comme ça. Je sais qu'à chaque fois, je choisis une technique, je choisis un graphisme, je choisis des choses par rapport à un fond et par rapport à une histoire que j'ai envie de raconter. Et après, c'est des outils. Ce qui m'amène à pouvoir faire de la technique mixte comme des films faits complètement en technique traditionnelle d'animation. Après, tout dépend du propos. Et je trouve que c'est très intéressant de voir aujourd'hui les liens qu'on peut faire entre prise de vue réelle et animation. Enfin, ça reste des outils. Et notamment dans mon film de fin d'études, il y a un mélange de prise de vue réelle et d'animation, parce que ça a un vrai impact par rapport à ce que j'avais envie de dire et par rapport au fond du film. Valentine, t'as un petit mot à dire là-dessus ou... Je sais plus ce qu'était la question. sur cette idée de... Est-ce que quand t'as... Encore une fois, moi, c'est ça que je voulais en venir par rapport à la suite du débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion de se dire, tiens, je vais plutôt vers du cinéma d'animation. C'est ça qui va me permettre finalement de rentrer dans le mouvement, comme tu disais, plutôt que du cinéma de prise de vue réelle ou continue. Enfin, voilà, d'autres styles d'art. Oui, je pense que c'est un peu comme Marine. Enfin, ça dépend ce qu'on veut dire, ce qu'on veut transmettre. Enfin, moi, je pense que je pourrais tout à fait faire un film de prise de vue réelle. Enfin, peut-être pas très bien, mais enfin, je pense que je pourrais transmettre quelque chose par la prise de vue réelle autant que par l'animation, mais ça dépend ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que pourquoi l'entrée en cinéma d'animation ? Pourquoi le cinéma d'animation ? Bah, parce qu'on peut transmettre d'autres choses différemment. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui touche autrement. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément collé au réel, mais qui peut traiter du réel, mais d'autres manières, enfin, d'une manière différente et qui ne touche pas de la même manière non plus. Alors, si je voulais commencer avec des créateurs, c'est que je me rends compte que quand on prend des livres, hein, ben, comme celui notamment La Lettre Volante, bien sûr, d'Hervé Joubert-Laurencin, le cinéma d'animation de Sébastien Denis, on se rend compte qu'il y a l'obligation de dire une définition qui est toujours, en effet, comme le dit très bien Hervé Joubert-Laurencin, justement, qui est toujours dans l'idée de... par exemple, quand on parler du cinéma d'animation impose de parler sans cesse d'un cinéma qu'il ne serait pas, mais qui se distinguerait pourtant du cinéma en général, dont le cinéma d'animation fait partie intégrante. Sur ce point, les théories ont le plus souvent entretenu la confusion. Délibérément ou par omission, la quasi-totalité d'entre elles reste valable à condition d'ignorer, fût-ce provisoirement, le cinéma d'animation. Donc il reprend le terme ensuite, alors là c'est notre grand problème, donc cinéma naturel, qui est une expression reprise d'Eisenstein. Le cinéma d'animation, Sébastien Denis, le début, cinéma d'animation, c'est avant tout du cinéma. Tous les films d'animation ne sont pas bons, loin s'en faut, mais ce type de disparité se retrouve au centuple dans la production en prise de vue réelle, c'est après PVR. Alors Barré Animation, comme Dominique Noguès, Barré Expérimental, dans son éloge du cinéma expérimental pour signifier la nécessaire accession de l'underground au niveau de cinéma normal, on a l'impression qu'il y a toujours cette idée-là. Et si on reprend, alors, troisième livre, potassé, hein. Le livre de Dominique Willoughby, donc c'est le cinéma graphique. Il nous dit, c'est au cours des années 1920 que l'on passe du qualificatif animé au substantif animation. Attesté dès 1923, c'est à propos des usages scientifiques du cinéma graphique qu'Auguste Polofsky lui donne en 1929 un sens nouveau. Les dessins animés ne sont, à la vérité, qu'un mode d'un genre beaucoup plus étendu qu'on pourrait appeler l'animation artificielle et qui vise soit à reproduire des mouvements réels, difficilement saisissables, soit à réaliser des mouvements fictifs ou schématiques. On pourrait aller plus loin et notamment de nouveau dans le livre. Et après, je vais laisser aux experts la parole. Mais dans le livre, toujours d'Hervé Joubert-Laurencin, La lettre volante, il parle des deux définitions de la CIFA. La première à la fin des années 50, une dans les années 80, où dans la première définition, il nous raconte qu'il s'agit d'une définition de type logique qui dit toute création cinématographique réalisée image par image. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai pas trouvé sur Internet. Je sais pas, Ilan, toi, tu vas pouvoir l'avoir, la définition totale. J'ai regardé sur le site d'Asifa, il y est pas, malheureusement. Et dit dans un film, donc, dans cette définition, il y a aussi dans un film d'animation, les événements ont lieu pour la première fois sur l'écran. Et en 80, ça change un petit peu. Et ils disent, par art de l'animation, il faut entendre la création d'images animées par l'utilisation de toutes sortes de techniques, à l'exception de la prise de vue directe. Pourquoi ce besoin absolu? Là, je vous demande à Nicolas, Ilan, Olivier, pourquoi ce besoin d'avoir une définition et même cette difficulté, en fait, à chaque fois qu'on commence un livre, souvent d'animation, de se replonger là-dedans et de dire, attendez, on est comme ça, on n'est pas complètement comme ça, et d'essayer de se frayer un chemin. Qui veut commencer? Nicolas. Alors, je pense que le besoin d'une définition est simplement né aussi d'un manque, c'est-à-dire on parlait beaucoup de dessins animés, etc. Et en fait, André Martin est arrivé vers 1953 en essayant de proposer quelque chose de nouveau. À mon avis, enfin, une expression qu'il a créée, c'est-à-dire qu'avant lui, à l'heure actuelle en tout cas des recherches historiques, il n'existe pas l'expression cinéma d'animation. C'est lui qui a vraiment essayé de parler de ça pour parler de choses graphique, animé, mouvement, dont on parlait pas beaucoup avant et qu'il a essayé de mettre en avant parce que justement il y avait une espèce de manque. Le cinéma d'animation en fait est venu d'une espèce, j'ai l'impression, si on peut dire ça comme ça, de militantisme autour de plusieurs formes différentes qu'il a essayé d'intégrer. Alors finalement, est-ce que faire une définition à partir de ça, c'est faisable et est-ce que ça donne quelque chose de cohérent? On le voit bien au niveau des variations qu'il y a eu autour du temps, du cinéma d'animation entre juste en 1953 et aujourd'hui, que finalement les définitions changent, varient, sont jamais les mêmes. Les films sont complètement différents, complètement dispersés. Alors je ne sais pas si on peut encore aujourd'hui dire qu'il y a une véritable définition du cinéma d'animation. Par contre, je me dis aussi quelque chose d'autre, c'est que à partir du moment où le cinématographe, c'est l'écriture du mouvement, on pourrait plutôt dire qu'il y a de l'animation partout et que la prise de vue réelle, finalement, devrait être une espèce de exception ou alors quelque chose qui rentre encore dans la définition générale de l'animation, puisque c'est aussi une écriture du mouvement, comme l'animation l'est. On rebondit sur ce que disait Alexeïev, d'ailleurs, on pourrait oui, le voir un petit peu. Tout à fait. Ilan. C'est une inversion, effectivement, de rapport qui a été tenté à différentes reprises, dans différents contextes. Et effectivement, celui de l'Alexeïev, donc l'éloge de l'animation, donc, qui figure aujourd'hui dans l'introduction du livre de Bendadi, mais qui a été écrit de manière antérieure, dans au début des années 70, je crois, essaye de renverser ce rapport. Mais le problème, c'est que, effectivement, cette invention conceptuelle ou terminologique d'André Martin qui tente effectivement de bouleverser un peu les perspectives, c'est-à-dire de faire entrer dans le cadre des choses qui jusqu'alors avaient du mal à être perçues. On voit à quel point c'est prégnant dans le domaine français, en tout cas. Quand on voit, si on regarde un tout petit peu les ouvrages concernant ce domaine-là, dans les années 50, dans les années 60, alors il y a les livres de Marie-Thérèse Poncet, il y a évidemment L'eau du car 48, le dessin animé. Il y a le dessin animé après Walt Disney de Ben Ayoun qui avec un chapitre sur la pesanteur, donc les marionnettes après, qui vient se rajouter parce qu'on essaie quand même d'en parler, mais c'est pas du bon, voilà. J'aime le dessin animé, que sais-je, effectivement, Denis Chevalier. On est dans en dehors des périodiques pour les volumes. J'ai l'impression que ça c'est presque un révolutionnaire, c'est-à-dire en 2000 quand ça paraît, André Martin écrit sur l'animation. Moi je me pose souvent la question de traduire comment en langue. C'est nouveau, voilà. C'est quelque chose qui est une somme donc posthume à la donc postérieure au décès de l'auteur, mais ça l'a pas pris, je pense. Il y a cette espèce de petit village de l'animation, on sait ce que c'est dans chaque pays et puis de manière un peu mondiale avec la CIFA. Ça a été d'emblée effectivement une sorte de développement dans des petites places fortes comme ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, je dirais. C'est-à-dire que on a l'impression aujourd'hui que le cinéma d'animation, effectivement, procède d'un choix. On l'entendait, qui moi me semble moins radical, moins. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moins engagé par rapport effectivement à ces enjeux esthétiques ou spécifiques, parce que la palette, tout simplement, de choix est plus large, que les frontières sont plus poreuses, que voilà, on sait une voie parmi beaucoup d'autres, et qui n'empêche pas effectivement d'aller. En cours de route, avant ou après, effectivement dans d'autres directions, c'est juste une voie parmi tant d'autres, quoi. Pour moi, le basculement, c'est vraiment la fin des années 90, où, parce que je me souviens quand j'ai commencé en 98-99, enfin j'ai pas le souvenir, ça existait le terme cinéma d'animation, mais on l'employait vraiment très très peu. On parlait beaucoup encore de dessins animés, et puis ça va être vraiment après 98 et puis alors, le début des années 2000. Où là, le terme s'impose vraiment, même si effectivement il existe sans doute depuis 53, parce que moi j'ai volontairement appelé mon livre Histoire du dessin animé, et je dis que en introduction, c'est un anachronisme de parler de cinéma d'animation sous l'occupation. Personne ne connaît ce terme, personne ne l'emploie. Sur les 956 articles de presse que j'ai rassemblés, jamais il y a ce terme, cinéma d'animation qui est employé. Donc c'est un mot qui n'existe pas, une expression, pardon, qui n'existe pas. Et après les années 90 et surtout 2000, il y a vraiment un mouvement mondial parce que même les Allemands abandonnent le terme Zeichentrickfilm, Zeichentrickfilm, et parlent d'animation. Aux États-Unis, pareil, on abandonne un peu le cartoon et on parle d'animation. Aux Pays-Bas aussi, il y a le mot animation qui fait son apparition. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment à partir de 2000 où ce mot animation peut-être plus intello, moins grand public, et parce qu'on se dira, les gens, ils parlent de dessin animé, mais en fait, c'est pas du dessin animé, mais mélange tout. La terminologie, en fait, essaie de suivre la réalité de la production, je pense que c'est oui, ça, surtout. Fait, ouais. C'est-à-dire que, à partir du moment où ce qui émerge, c'est d'abord, effectivement, techniquement, au sens strict, au sens des dessins animés, le tournant des années 2000, c'est aussi l'émergence des films en synthèse. Enfin, voilà. Et ça, le terme de dessin animé ne marche plus. On voit bien que là, ça colle pas. Le grand public l'emploie. Peut-être. Même, enfin, de moins en moins, je trouve. C'est vrai que le terme animation vraiment est là rentré dans le langage. Qu'est-ce qui se passe, Olivier, je trouve, dans les années 50, je crois que c'est dans le André Martin, justement, où on voit le déluge de critiques lors des premières GIFA qui sont organisées donc à Cannes, où vraiment plein de critiques disent c'est assez drôle de lire ça, oui, dire heureusement qu'il y a eu ce soi-disant petit festival à côté, ça va nous permettre de nous échapper des déceptions du grand festival, etc. Et on se rend compte à quel point ils sont plutôt contents. Truffaut en parle et tout le monde, il y a des phrases assez drôles. Dans le temps de Paris, la rencontre internationale du cinéma d'animation qui comporte une magnifique exposition ainsi que de projection est devenu le centre d'intérêt de tout le festival. Donc pour Truffaut. Mais à quand un festival consacré à la seule animation, il aurait, j'en suis persuadé, son public et son grand succès pour Sadoul, etc. etc. Voilà, et il y en a plein comme ça. Est-ce que donc c'était le fait d'emploi, alors on voit ça vient que dans les années 90, mais quand même, le fait de se détacher, il a fallu qu'en fait le cinéma, alors de dessin animé, de tout ce qu'on veut, se détache de l'autre cinéma Oui, c'est comme un espèce de processus, mais au départ, on dit souvent qu'il y a le dessin animé, puis il y a le film à truc. Mais dans le film à truc, il n'y a pas forcément que de l'animation. Méliès, c'est du film à truc. Quand on regarde un Méliès et qu'on ne se pose pas vraiment la question de la fabrication, ça pourrait être on peut se dire que c'est de l'animation. Dans l'esprit, c'en est tout à fait. Et à un moment, on a un besoin de réunir ces espèces de choses très disparates, finalement. Avec des choses qui sont presque à la limite. On parlait du cinéma muet soviétique. Chez Vertov, il y a presque des choses qui relèvent. Alors, c'est pas de l'animation parce que il y a un autre aspect là qui sont liés à mon avis. Il y a l'aspect déformation et puis il y a l'aspect image non réelle. Donc on par la marionnette, par le dessin, par tout ce qu'on veut. Il y a en fait ces espèces de trois choses comme ça qui se superposent. Alors ce qu'il n'y a pas dans les films de Vertov, par exemple, c'est l'aspect déformation à la limite, mais l'image non réelle, encore que il a tellement une façon de reconstruire parfois les images, de les trafiquer, ouais, qu'on est presque à limite de ça. Mais il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, il n'y a qu'un historien qui peut répondre à ça, on a voulu réunir ces choses-là, qui sont en fait extrêmement disparates, à mon avis, sous une définition précise qui tient la route pendant un bout de temps, sauf qu'elle exclut le film de marionnettes en vue réelle, donc ouais, avec des films, où là, il y a juste l'aspect mouvement artificiel, quelque part, image par image, qui n'existe pas. Et on s'est tenu comme ça sur une période, sur une petite période finalement. Moi, je trouve la définition du cinéma d'animation telle que la CIFA la propose, c'est les années 60 jusqu'à l'arrivée effectivement de l'image de synthèse, où là, on rentre dans des trucs qui fait que la définition est complètement remise en question et on commence à être assez perdu parce que on a des espèces de mélange entre des vues réelles à traitement graphique et puis bon, des tas de choses comme ça qui arrivent et qui perturbent tout en fait finalement au départ on savait pas très bien ce que c'était que le cinéma d'animation, ça n'existait pas et puis aujourd'hui on sait plus très bien non plus, on est un peu perdu par rapport à ça. Et là on parle il y a le film de Godreau sur la fin du cinéma dans le sens que l'animation, les effets spéciaux, l'image de synthèse est en train d'envahir par toutes les images et du coup il y a ce livre qui s'appelle La fin du cinéma point d'interrogation qui est vraiment passionnant et puis il y a d'autres livres américains où effectivement on dit que l'animation va prendre toute la place. Alors c'est l'autre partie parce que du coup l'animation a envahi complètement les films dits en images réelles et parfois sans qu'on puisse faire la différence en plus. Donc alors si on parle de technique d'animation, effectivement elle est présente partout et elle est moins présente dans l'animation elle-même. Parce que finalement, prise de vue continue et complexe aujourd'hui, parce qu'on sait que alors Cédric Villain en parle souvent à chaque fois qu'on fait des tirs sur The Web Anime. Machinima, voilà, et puis Machinima, c'est de l'animation. Voilà, on continue, donc c'est. Mais même la rotoscopie, La rotoscopie, évidemment, c'est compliqué. Il est évident qu'aujourd'hui, prise de vue réelle, la pixelation, c'est avant tout des choses réelles, et puis le volume est du réel, donc c'est pas évident. Alors, Hervé Joubert-Laurencin, toujours dans la lettre volante, propose ça, autrement dit, alors je m'excuse auprès de lui parce que c'était très long et j'en dis juste une partie, autrement dit, tout film d'animation digne de ce nom produit une invention, une mise au jour de la fantasmagorie et donc dans sa version la plus complète rejoue l'invention du cinéma. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ça peut être pas satisfaisant, mais est-ce qu'on est là-dedans ou est-ce que même ça, aujourd'hui... Il y a des tas de films qui sont pas des films d'animation qui rentreraient dans cette définition pour moi. Donc, est-ce que c'est ça? Non, mais est-ce que lui propose ça? Donc, est-ce que finalement, on est encore une fois, est-ce que là, on est dans quelque chose qui est indéfinissable, quelque part? Ouais. Ouais. Moi, je dirais bien. J'ai été très marqué peut-être il y a 10 ans, quelque chose comme ça, ou 8, 9 ans. Un jour, je travaillais à la Sky, et un garçon qui vient me voir et qui me montre un film qu'il a fait, un petit court-métrage, où on voyait des objets se déplacer, etc. Enfin, il y a cette petite comédie. Et il me demande si c'est l'animation. Bah, je lui dis, oui, c'est l'animation d'objet. Et il me dit, oui, mais vous savez pas comment je l'ai fait. Il me dit, il a tout filmé en réel, avec des trucages, et puis ensuite il a retiré des images. Et on a l'impression que c'est un film animé image par image, mais en fait, pas du tout. Dans l'esprit, alors techniquement, ça n'est pas un film d'animation, on est d'accord, mais dans l'esprit, c'en est un. Pour moi. Est-ce que c'est pour ça, Nicolas? Oui. Ça rentre dans la catégorie du off-limit Marcel Jean à Annecy, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'animation, les frontières de l'animation? Il y a énormément de gens qui sont qualifiés d'animateurs aujourd'hui ou dont on dit qu'ils font du cinéma d'animation. Et en fait, on se demande si ça en est encore par rapport aux définitions anciennes. Est-ce que ça en est? Est-ce que ça en est pas? On s'en fiche, en fait. Est-ce que c'est pour ça qu'une définition des plus connues et les plus relancées tout le temps est celle de McLaren, c'est-à-dire d'un artiste? Et pas forcément un théoricien qui est, de manière, je prends la traduction qui est dans Cinéma 57 en français, l'animation n'est pas l'art des images qui bougent, mais l'art des mouvements dessinés. Ce qu'il y a entre les images a beaucoup plus d'importance que ce que l'on voit sur l'image. L'animation est par conséquent l'art de se servir des interstices invisibles entre les images. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste l'une des définitions les plus, encore une fois, respectées du monde de l'animation. Et encore avec l'apparition du numérique et donc du flux d'images et du manque d'interstices, finalement, est-ce qu'on peut encore utiliser cette définition-là? J'avais, alors, Parce que le temps évidemment passe énormément, mais j'avais un tout petit bout, on va pas le passer encore de McLaren, on a déjà beaucoup entendu McLaren, même si c'est intéressant, qui parle de la technique et qui parle de les lignes verticales. Et alors je vais juste vous dire en fait en français directement, et il dit voilà, le premier, on lui demande par rapport à Mosaïque et on lui dit voilà quels sont ses films, et il dit le premier était Lignes verticales. Ce film a été mis en place par le désir, plutôt par le fait qu'il était facile, en plaçant une règle et de graver finalement un trait, une ligne directement sur la pellicule, en la bougeant légèrement pour l'animer. Et ça d'un seul tenant. Il n'y avait plus le problème d'animer chaque photogramme l'un après l'autre. Et donc Evelyne Lambert et moi, nous étions au début très intéressés par cela, un peu comme un exercice technique, de voir si on pouvait faire un film qui retiendrait l'attention pendant quelques minutes en utilisant seulement que des lignes verticales. Il raconte qu'il a tenté une ligne, que ça n'a pas marché, qu'il a fait plusieurs lignes et qu'ensuite, c'est très drôle, il parle évidemment de lignes horizontales où tout ce qu'il a fait, entre guillemets, c'est tout simplement de les changer pour changer la perspective et la gravité, et qu'il va refaire le troisième, donc Mosaïque, en gardant les croisements, mais juste les points. On n'est plus dans de l'animation. Puisque là on travaille plus le photogramme, on est plus dans la technique dans la définition de l'animation. Ilan, je vois pas en quoi on est plus dans l'animation. Non mais puisqu'on travaille pas dans la définition, bien sûr, pardon, pas dans l'animation. Non, parce que dans la définition, pour ligne verticale comme pour ligne horizontale, McLaren conçoit on sait qu'il y a ces plans effectivement qui sont une structuration, là aussi une composition du mouvement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On est pleinement dans le... Oui, mais on est plus dans l'image par image quelque part. On est dans plusieurs photogrammes à la suite, puisqu'il va tirer un trait qui va casser finalement ces photogrammes. Non, je crois pas. Si, puisqu'il va tirer, il va s'amuser à des moments donnés, sur certains films, à tirer non pas sur un seul photogramme, mais sur plusieurs photogrammes. Ah oui, d'accord. Il franchit la ligne, tu veux dire, de ce point de vue-là. Oui, mais je crois pas que ce soit sur ligne verticale. Pas sur ligne verticale, non, je crois. D'accord. Pas. Il me semblait que c'était sur ligne verticale. Mais il y en a qui le font aujourd'hui. On a vu le tigre d'Alexandre Roy, par exemple, récemment à Meknès, où en effet, il prend son. Et il ne travaille pas photogramme par photogramme. Et ça reste de l'animation. Enfin, on le montre Je pense qu'on peut quand même se dire, même lorsqu'on est lorsqu'on sort un petit peu des clous par rapport à ça, on reste dans un cinéma qui est à une image près, puisque donc là on conçoit 3 ou 4 photogrammes. Enfin, c'est l'unité de base. On est quand même sur celle du photogramme et pas sur celle du plan par rapport à la prise de vue continue. Est-ce qu'on peut pas gérer, par exemple, l'idée de se dire tiens, je vais faire 48 images et je vais faire un grand trait pendant 48 images qui va me représenter donc 2 secondes dans mon film, donc un plan, et je reprends 48 autres images qui vont m'en redonner un autre, et donc d'un seul coup mélanger tout ça. Mais les films d'animation aujourd'hui sont pleins de séquences qui ne sont pas des séquences image par image. Il y en a beaucoup, il y a des exemples comme ça. Est-ce que donc l'animation, donc ce cinéma qu'on aime et qu'on a dénommé animation, image par image ou ce qu'on veut, est finalement un cinéma qui passe beaucoup par la technique? Et dont la technique, évidemment, quelqu'un disait dans un des livres, des nombreux livres que j'ai lus là, que j'ai relus, disait bah oui, un cinéaste de prise de vue continue, par exemple, ne peut pas savoir comment une caméra fonctionne. C'est beaucoup plus difficile pour un animateur. Alors il y a quelques réalisateurs. C'est cet autre rapport-là qui a changé aussi. C'est-à-dire si on se pose la question de ce qu'est l'animation aujourd'hui, j'essaie de réfléchir un petit peu à ça. André Martin parle effectivement de l'accession à la aux caméras motorisées, le fait de le renoncement au passage de la manivelle, etc. En chantant, est-ce que ça change effectivement pour la prise de vue réelle? J'ai l'impression qu'on est on a eu un changement de cette nature-là, ou peut-être comparable, par rapport à ce qu'a été pendant très longtemps la création animée, qui consistait effectivement à travailler sur des images. On était vraiment dans l'image par image ou à une image près, parce que on n'avait pas le résultat filmique immédiatement. On était dans un rapport comme ça, disjoint, un rapport coupé, et que le résultat parvenait effectivement au retour du laboratoire, donc souvent des jours, des semaines après. Et donc là, il y a un rapport à l'image en tant que telle, en tant qu'unité, qui n'est plus du tout celui qu'on a aujourd'hui. Et donc on a perdu, il y avait cette forme d'assaise qui allait de soi, et qui aujourd'hui, la fonction à laquelle on a accès sur les ordinateurs, mais en gros on visualise immédiatement le résultat sur lequel on travaille, on le triture par rapport à ça. On est dans une forme de myopie, enfin on est dans un rapport comme ça, absolument le nez dans le guidon, sans la moindre distance. On n'a pas à concevoir en fait de la même manière qu'autrefois la forme du mouvement qu'on souhaite effectivement insuffler ou. Il y a beaucoup de réalisateurs Sébastien. Qui n'étaient. Enfin, je reviens. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Des réalisateurs qui n'étaient pas techniciens eux-mêmes. Je pense à Grimaud qui n'est pas du tout technicien et d'autres, à part les artistes solitaires. Pour les réalisateurs, c'était casse-pied l'animation. Et beaucoup ont laissé tomber, des artistes ont laissé tomber quand ils ont découvert. Effectivement, la cesse de faire des films de l'animation, alors que pour ce qui les intéressait, c'était le résultat final. Donc, franchement, la technique, ils n'avaient rien à faire. Pour eux, ils voulaient faire. Je pense aussi à Henri Valency sur la ciné-peinture, etc. Ils ont été découragés par la technique. Et aujourd'hui, la technique est peut-être secondaire, ou ils pourront la faire faire par quelqu'un d'autre. Que et ce qui les intéresse, enfin, ce qui a toujours intéressé les artistes, c'est plutôt. Enfin, pas à chaque fois, mais le résultat final plus que le processus en lui-même. Olivier, c'est une question intéressante. Oui. Je me rappelle d'une programmation au cinéma expérimental au Festival National du Film d'Animation. Alors, ça s'adresse à des gens qui font de la promotion du cinéma expérimental et leur dit, faites-nous une programmation animation. Et là, ils disent, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement l'animation et lesquels de ces films pratiquent l'animation ou pas? Parce que de visu, quand on voit les films, parfois on peut pas faire la différence. On est obligé de te poser la question de comment c'est fabriqué, ce qui est un peu absurde quelque part, ouais. Mais en tout cas, c'est la question qu'ils ont dû se poser. Mais c'est pour faire une distinction. Ça pourrait être une définition aussi de l'animation. Mmh. Un film d'animation, c'est un film sur lequel, effectivement, on ne sait pas, a priori, on peut avoir une idée, mais il y a toujours une question de cette nature-là. C'est-à-dire, comment est-ce que ça a été fait? Il y a un mystère qui subsiste. Alors, il y a une question que tu as posée qui me paraît. Mystère comme définition d'animation, ça me paraît intéressant. Et ce qui me paraît intéressant, parce qu'on parlait aussi de la définition d'une chose, mais du cinéma d'animation aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'avoir cette opposition, est-ce qu'elle est donc définitive, entre maintenant la technique, à cause de l'ordinateur, ce plaisir finalement d'avoir de la technique, de l'animation, de la matière, on est aussi là-dedans dans l'animation, et supprimé à cause de l'ordinateur, un peu comme tu disais Ilan, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette recherche de la matière, mais qu'on est uniquement dans le côté ébloui par la technique, Valentine et Marine par exemple, ou Marine ? Non mais déjà de voir du côté créateur aussi, c'est intéressant de voir du côté créateur aussi. Juste un mot, ce que l'ordinateur permet de manière plus facile ou plus simple, plus époustouflante, plus flamboyante, c'est évident. Mais ce qui est moins évident, c'est ce qu'on perd avec l'ordinateur, effectivement. Donc, c'est, oui mais j'ai l'impression qu'il y a toujours, les deux. Voilà, ouais. Et donc ce qui est important, c'est de saisir aussi effectivement ce qui passe par perte des profits. Lors de ce genre de. Ce qu'on perd, c'est la spontanéité du geste. C'est le geste premier, parce qu'avec l'ordinateur, on peut retoucher à l'infini. Et... Sauf que c'est. Excusez-moi, mais c'est le. Florence Mihail le dit bien. Elle dit que c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien ne pas utiliser l'ordinateur. Oui, et que l'ordinateur est là. Mais voilà, et que même elle se rend compte qu'elle perd beaucoup parce qu'elle regarde à chaque fois à l'écran, mais que finalement, elle ne pourrait ne pas le faire. C'est pour ça que je voulais savoir les créateurs aussi s'ils avaient envie de le faire à chaque fois. Nicolas, un dernier. Et, oui, l'ordinateur exécute aussi entre guillemets à la perfection une instruction, mais finalement il y a beaucoup qui pourrait apparaître, on va dire, quand on dessine à la main quelque chose qu'on n'avait pas imaginé et qui d'un coup apparaît. L'ordinateur, on donne une instruction, il exécute. Point final. C'est l'enjeu de la citation de McLaren, ce qui est en jeu, que ce soit les poules, les œufs, que peu importe. McLaren, dans son rapport au cinéma et dans sa manière de réinventer le cinéma à chaque film, comme dit Martin, laisse une part à l'improvisation. Et cette improvisation-là, elle n'est pas uniquement, espèce d'inspiration, de coup de génie comme ça, instantané. Non, elle est basée sur une assaise, elle est basée sur un rapport comme ça, média distant. Mais tout ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont par perte des profits effectivement dans le rapport, dans l'entrée en scène et l'émergence et l'hégémonie de l'image calculée. Voilà. Est-ce que vous avez cette perte, donc Marine? Et Valentine. Moi, je trouve ça intéressant cette question de ce qu'on gagne et ce qu'on perd effectivement en ayant ce rapport effectivement avec toutes ces technologies qui nous permettent effectivement de revenir beaucoup sur le travail, d'avoir toujours des reprises, que ce soit au niveau du montage, de l'animation. On est dans quelque chose où, grâce à des outils aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple effectivement de reprendre, même en termes de coûts et de temps, des plans, des choses comme ça. Après, effectivement, ça dépend de la démarche de chacun par rapport à ces films. Mais ce qu'on a envie de dire et comment on a envie de dire et de faire les choses là où on trouve aussi son, comment dire, pas son plaisir mais son intérêt. Moi je sais que par exemple si c'est important le plaisir dans la fabrication, bien sûr, ouais, non mais parce que je suis là je me dis bon non il faut être seul dans sa cave et souffrir et m'auto-flageller à chaque fois que je fais un film, mais bon, je parle juste de mon expérience personnelle, mais moi, faire de la belle animation, la reprendre pour trouver ce mouvement parfait qui va dire quelque chose, ça m'emmerde. C'est pas du tout ça. Enfin, ça m'emmerde. De manière personnelle, c'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas là que viennent les choses, que sortent les choses. Je trouve que ce qui est important aujourd'hui avec les techniques qu'on a à notre disposition et ce qu'on a envie de faire, c'est de trouver ce bon équilibre entre ces choses qui sont réfléchies, qui sont remises en question dans le travail, et l'instinctif en fait qui est très important, et d'avoir toujours de réussir à garder en fait ce côté primaire, et laisser place à l'erreur, parce qu'effectivement on dit beaucoup de choses à ce niveau-là, et je sais que souvent peut-être par paresse aussi, je sais pas, hein, c'est des choses qui s'équilibrent de manière un peu aléatoire, mais moi j'aime pas utiliser ce retour, j'aime pas voir 15 000 fois la même scène en me disant que je vais reprendre cette animation parce qu'elle va mieux marcher comme ça ou ce genre de choses. Mais après, c'est peut-être un regard qui est personnel par rapport à... Valentine, et après, je voudrais juste qu'on écoute. Est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ça? Est-ce que toi, le retour, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup? Est-ce que comme, je ne vais pas te dire forcément sur une série comme Les Aventuriers de l'Art Moderne, sur laquelle tu travailles en ce moment, est-ce que justement, on sait bien qu'il y a aussi le jeté qui est important? Est-ce que toi, c'est le moi, geste, ce paraît... Le difficile, ouais. C'est qu'on nous apprend d'abord à utiliser ce retour, en fait. Moi, c'est la première chose. Enfin, c'est quand je suis sortie de l'école, c'est ce que je me disais. Il faut faire un film en regardant, voilà, le retour qu'on a, bien faire les choses. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, que ça aille vite et que ce soit efficace. Et au final, c'est à nous d'apprendre tout seul, à faire des choses instinctives. Au final, enfin, on nous pousse souvent à nous dire, faites des recherches, faites des choses comme ça, mais on le développe jamais vraiment. C'est personnellement qu'il faut le faire, ça. La propreté, finalement, qu'on nous oblige à avoir de l'animation, le côté cliné de suite, enfin très très fort, fait qu'on l'apprend maintenant à l'école et qu'on vous apprend plus à avoir aussi une liberté. Tu trouves, ouais. J'avais pas touché de feuillet avant depuis un an. Enfin là, j'ai retouché des vraies feuilles en travaillant sur Les Aventuriers de l'Art Moderne. Enfin. Nicolas, tu voulais réagir? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce côté-là, d'un point de vue extrême, que critique David O'Reilly dans ses films, finalement. C'est-à-dire de faire des films volontairement sales, impropres, un peu, entre guillemets, bâclés, mais pour montrer justement qu'on peut aussi, finalement, faire autre chose et que l'animation, notamment en image de synthèse faite par ordinateur, n'est pas là pour être retouchée, extrêmement travaillée et extrêmement bien faite. D'un point de vue du mouvement aussi, puisque finalement, il a une autre conception et un autre travail autour du mouvement. Ilan? Cette histoire de retour et de mouvement retravaillé ou surléché, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, ce que j'avais en tête, c'est cette dimension qui est en jeu dans le cinéma image par image. Lorsque, par exemple, des gens travaillent en animation de sable, lorsque Caroline Leaf fait des films en peinture animée, cette idée que on est dans une forme d'improvisation qui découle d'une conception antérieure. Le mouvement a été conçu, résultat pur de l'esprit humain, comme dirait Alexeïev, et donc que d'une certaine manière on n'a pas droit à l'erreur et qu'on est dans un exercice, on est dans un rapport à la conception du mouvement et à chacune de ces étapes unitaires, disons, à minima, qui me semble aujourd'hui de moins en moins concevable. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus imaginer, ou en tout cas je vois mal comment on voit de moins en moins de films, je pense, qui procèdent de ce rapport-là. Et moi, c'est une question vraiment purement de conscience, c'est-à-dire de rapport au médium, qui est, une question de conscience artisanale, de savoir est-ce que l'animation en haut ou le rebond sera plus souple ou moins souple. C'est pas du tout ça. C'est vraiment les outils, évidemment, forgent notre conception, notre rapport au médium. Et donc, Valentine le disait, par rapport à la manière dont on apprend à entrer dans ce chemin-là, il y a des choses qu'on pourra faire, des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est-à-dire que le rapport à la matière est moins fort aujourd'hui? Je pense assez clairement, oui. Oui. Ça me paraît évident, oui. Juste, est-ce que je peux te demander juste de passer rapidement la piste 8? Elle fait juste une minute. 8, oui. L'animation, dans une définition très stricte là, de la technique, va aller en se raréfiant, alors que l'animation, dans toute l'acception du terme, si on ouvre vraiment, ça, ça, ça, ça se déploie, je dirais, dans le territoire cinématographique presque comme comme un virus. Là. Il y en a partout. Juste une petite phrase de Janet Bartomendazzi, hein, qui reprend un peu aussi l'idée de d'Alexeïev. On va peut-être citer l'auteur. Marcel, oui, pardon, excuse-moi, Marcel Jean, bien sûr, pardon. Vous avez tout à fait raison, comment ils savent bien se placer. Oui, oui, bien sûr, c'est Marcel Jean, directeur artistique du Festival d'Annecy, et Langage des lignes qu'a écrit, voilà, qui nous avait donné, dont l'interview était passée en complet ici même. Le film d'animation, je vais citer ça, Alexeïev, pardon, directement. Le film d'animation est victime d'une erreur de classification, ou plutôt de deux erreurs. L'une consiste à le confondre avec le dessin animé, comme on confondrait un avion avec un cerf-volant. Et la seconde, à le considérer comme une sorte de cinéma, alors qu'il pourrait s'agir tout aussi bien de peinture, de dessin, de gravure, ou même de sculpture en mouvement. Considère-t-on un portrait peint à l'huile comme une sorte de photographie? Il y a cette idée, et quand on a commencé, quand j'ai annoncé ça sur Facebook, Marie Pacou, donc réalisatrice, hein, de Hubert et l'homme au bonbon, jusqu'à un jour, donc en revenant dans le sens inverse, disait, bah, je me pose la question du cinéma d'animation, est-ce que ce serait pas de l'animation? Est-ce qu'on ne reviendrait pas en arrière, alors qu'on s'est battu en disant, oh, c'est du cinéma aussi, d'enlever le cinéma et finalement que l'animation est quelque chose de beaucoup plus large, bah, que cette notion-là? L'animation existe hors cinéma, ça c'est évident. Pré-cinéma. Ilan ? Ouais. Oui, l'animation est un concept qui excède celui de cinéma. Ça, d'accord, oui, effectivement. Est-ce que. Non, mais encore aujourd'hui, puisque avant ça l'était, mais. Encore aujourd'hui bah voilà, oui, c'est oui, ça qui est important. Dans, parce qu'on parle aujourd'hui, hein, je parle pas du pré-cinéma. Dans le jeu vidéo, dans ouais. les bandes dessinées interactives en ligne, etc. Oui, voilà, il y a plein de trucs dans lesquels on peut dire. Dans les... Parce que on a parce que t'es nostalgique pour non, ça. Non, c'est pas ça. Ce sont deux choses différentes. Et pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas un progrès. C'est le dessin animé, c'est une technique comme une autre. Et quand Robert Breer faisait son film sur le chien, j'ai oublié son nom, où vraiment il revendiquait encore l'histoire de faire un trait, de retour au trait, etc. Et quand on voit effectivement du papier, du crayon, etc. Pour moi, c'est une autre technique. C'est deux choses différentes. Donc présenter l'image de synthèse comme un progrès. Le progrès du dessin animé, c'est je trouve ça étrange. Mmh. Ce sont deux choses différentes. Une bougie, une ampoule, c'est pas l'amélioration d'une bougie. C'est deux choses différentes qui peuvent survivre et coexister. C'est pas Olivier. Oui, parce que le dessin induit une distance beaucoup plus forte peut-être avec la réalité, non? Le dessin, oui. Pour moi, oui. Ouais. Moi, c'est peut-être français un truc. Je cite cette anecdote. Quelqu'un récemment m'a dit, il peut pas y avoir de documentaire animé. Parce que l'image documentaire, c'est l'image réelle, alors que l'animation, c'est du dessin, enfin l'image recréée. Donc les deux termes sont contradictoires. Enfin, j'espère que je travestis pas trop ce que disait Marcel Jean, c'est-à-dire que l'idée que, et ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, l'image de synthèse est partout. C'est-à-dire que l'image de synthèse d'aujourd'hui est dans nos vies aussi, justement. Et donc change la réalité finalement. Est-ce qu'il peut y avoir de commentaires en image de synthèse avec quelque chose qui serait hyper réaliste, parce qu'il y a de l'image de synthèse aujourd'hui, on est incapable de faire de la différence avec des images réelles. Je pense qu'il y a une espèce de résistance quand même, que parfois, c'est-à-dire qu'on le voit dans le film de marionnettes. Alors évidemment, il y a des films de marionnettes avec des marionnettes extrêmement lisses, tellement lisses, qu'on se demande si c'est pas d'image de synthèse. Mais en dehors de ça, il y a aussi le film comme Jasmine d'Alain Ghetto l'année dernière, c'est-à-dire que là, on a clairement le documentaire, c'est-à-dire que on le voit lui-même en train d'animer la matière complètement, et on voit ensuite les espèces de bonhommes en pâte à modeler avec les traces de doigts dessus être animés et prendre vie entre guillemets. Peut-être qu'un des éléments qui pourrait participer d'une définition de cinéma d'animation, c'est une question de convention, c'est-à-dire que c'est ce qu'explique Georges Sifianos dans son travail critique par ailleurs, c'est-à-dire que le cinéma de prise de vue réelle ou directe ou continue se donne comme un objet transparent, alors que le cinéma d'animation assume d'être une représentation. Et je pense que là, voilà, on est dans quelque chose qui est en train un petit peu effectivement de se modifier dans son équilibre général, mais qui peut rester opératoire. Je dirais, et c'est en ce sens-là peut-être que le documentaire animé, à partir du moment où on considère que l'animation est une forme qui se donne pour représentation, effectivement, il y a une sorte de tension peut-être au minimum. Jörn Arnstein dit, en effet, dans le cinéma d'animation, le travail avec la nature inanimée n'est pas limité. C'est un moment positif, mais en même temps négatif aussi. Et un petit peu plus loin, il dit « Nous avons dépassé cette étape, c'est l'ABC. Il me semble que l'animation s'est rapprochée d'objectifs spirituellement beaucoup plus élevés. Elle occupe maintenant un territoire autrefois réservé à la littérature, au cinéma joué. » Est-ce qu'il y a cette notion de se dire que... Et je me rappelle d'un film qui nous a beaucoup marqué pour certains, hein, dont on a beaucoup parlé, qui est The Last Bus, et qui, d'un seul coup, finalement, va au-delà de cette conception, finalement, de l'animation. Et on s'en fout que ça soit de l'image par image, pas de l'image... Ce qui nous touche, c'est le quelle qu'elle soit, que ça soit là narratif ou d'abstraction ou quoi, quelque chose qui vient finalement nous nous percuter quoi. Quelque oui, part. On peut rappeler que ce The Last Bus a été refusé dans des festivals d'animation, notamment le festival d'Annecy, parce qu'il n'était pas considéré comme de l'animation, ce qui n'a pas empêché de recevoir des grands prix dans d'autres festivals d'animation. Mais effectivement, c'est le film qui est intéressant. Après, techniquement, qui rentre dans la définition, c'est vrai que c'est limite. Ah, il nous reste 2 minutes, puisqu'après on mettra évidemment pas de générique, comme d'hab. Mais on passera directement, donc 2 minutes pour The Last Bus rentre tout à fait dans la définition qu'a donné Ilan, enfin tirée de la conception définie par Georges Siffiano, ça. Même si techniquement il rentre pas dans l'animation, pas tout à fait. Oui, c'est ça, c'est. Est-ce qu'aujourd'hui finalement. Alors en effet, c'est. Ilan disait, rappeler ce mot qui nous avait tous un petit peu, enfin qui avait fait un peu bizarre, qui était le fameux mot d'état d'esprit de Serge Bromberg en disant l'animation est un état d'esprit. Alors évidemment, c'est pas ça, mais qu'est-ce que l'animation ? Parce que finalement, on a essayé. Alors je sais que tout le monde se dit, on est d'accord à dire, finalement, on s'en fout, on fait de l'animation. Enfin, on fait du cinéma et puis on raconte nos histoires comme on veut. On sait bien qu'O'Reilly travaille maintenant avec Spike Jonze et Spike Jonze, on appelle ces gens-là. Fellini ferait de l'animation, etc., etc. Ça serait quoi aujourd'hui ? C'est quoi le... C'est-à-dire qu'on aurait pu se poser la question finalement. Est-ce que c'est pas comme la personne se présente surtout, qui labellise le film ? S'il dit qu'il fait l'animation, on considère que c'est un film d'animation. Est-ce que c'est pas plutôt la présentation ? Sauf qu'il y a des festivals. Tu touches quel festival dans ce cas-là si tu dis que t'es plus de l'animation ? Oui, alors ça revient. Il y a un côté comme ça qui relève de la convention. Comme quand on a sur la couverture d'un livre marqué roman ou poésie, effectivement, qui permet de se situer. Mais après, je pense que ça peut être intéressant d'aller plus loin dans cette réflexion-là par rapport à des questions vraiment de langage. C'est-à-dire, si McLaren réinvente le cinéma à chacun de ses films, c'est pour une question de langage. Si l'animation excède le cinéma, c'est aussi, je pense, en tant que langage. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci Alexis. Ah, voilà. Donc évidemment un peu d'animation qui n'est pas du cinéma. Voilà, on a un Facebook en direct. On va rendre l'antenne même un tout à petit la radio, peu, ça sera très pratique. Avant 19h, on se. Oui, c'est pas 19h. Ouais, les horloges font foi. Enfin moi ça c'est ça. De quel hein. côté attention. Je vois, il est 59 là. Moi la mienne, il est 59 qui est là. Les mal accordés. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois. J'espère que voilà le débat était dense et mériterait encore plus de temps. Merci à vous. À bientôt. Thank you.